Bonsoir et bienvenue sur Next Gen Auto dans le Grand Prix, votre émission 100% Formule 1. Alors on va débriefer ensemble aujourd'hui le Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu ce week-end en Espagne, évidemment, à Barcelone, sur trois jours assez chauds, évidemment, puisqu'on a eu la même temps en France. Hein, je pense que pour vous, ça a été pareil. Et par contre, évidemment, surtout chaud en piste, puisque ça a fini par une apothéose de tension entre Max Verstappen et George Russell. Évidemment, on va vous en parler. On parlera aussi de la victoire d'Oscar Piastri devant Lando Norris et Charles Leclerc. On parlera de tout ce qui s'est passé, évidemment, puisqu'il y a eu pas mal de choses à noter dans toutes les équipes, hein, des beaux résultats pour certaines petites équipes, des problèmes dans d'autres, des pilotes absents. Donc, voilà, il y a eu plein de choses. On est deux ce soir, vous avez vu, on n'est pas au complet, mais il y a Franck avec moi. Ça va, Franck ? Salut tout le monde. Bah écoutez, oui, ça va très bien. Un Grand Prix d'Espagne finalement un peu moins soporifique qu'attendu, avec déjà deux arrêts un peu forcés, ce qui était aussi une bonne chose, avec des pneus un peu plus tendres que l'an dernier. Donc ça, c'était la bonne nouvelle pour la stratégie, avec pareil des arrêts un peu magouillés, on va dire, comme à Monaco. Et puis effectivement, en piste, la tension est montée. Et puis bah voilà, comme d'habitude, hein, quand la tension monte, on oublie le vainqueur. C'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de Verstappen et de ses frasques que des McLaren qui ont quand même fait le doublé en Espagne. Donc malgré des ailerons un peu moins flexibles, voilà, c'était aussi le petit sujet de conversation, en tout cas en début de week-end, rapidement oublié après l'arrivée. C'est un peu ça. Alors Guigui nous dit: j'offre une bouteille de champagne aux deux présentateurs si Max se prend un race ban. On le note et on va contacter de suite la FIA pour ouvrir une nouvelle enquête sur Verstappen. Je t'envoie tout de suite mon adresse d'ailleurs. Achoum nous dit: un fan McLaren, un fan Ferrari, c'est ok pour ce GP. Effectivement, on n'est pas mécontent, surtout moi. Mais même Franck, je pense que tu n'espérais pas forcément le podium de Ferrari en début de week-end. Mais non, je ne le voulais pas. J'avais le tiercé dans l'ordre avant que Verstappen fasse une connerie. j'avais le bon tiercé. Puisqu'évidemment, à chaque fois, on terminera l'émission en revenant sur nos pronos l'Espagne et puis en vous donnant nos pronos pour le Canada. Alors, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans deux semaines. Hein, on aura un petit peu de temps. Oui, moi j'ai eu ma meilleure saison depuis 1998, hein, grosso modo. depuis qu'il est né. Mon meilleur début de saison depuis 2007, mais 2007 c'est parti en couille dans l'été. Là, ça, non, j'espère que ça ne devrait pas être le cas. Pas à ce point-là en tout cas. Merci à Lorita qui s'est abonné avec Prime. Vous pouvez toujours nous soutenir en vous abonnant, en suivant la chaîne. Moi, c'est comme d'hab, Ferrari, ça monte, mais au moment de jouir, ça ne va pas. Effectivement, c'est vrai qu'il reste toujours le petit truc. Voilà. C'est ça. Bon, après, hein. Chacun ses délires. Non, voilà, c'est vrai que ça a été mieux que prévu pour Ferrari, ça a été moins bien que prévu pour Red Bull, en tout cas dans le résultat pur. Mais effectivement, ça a été un Grand Prix assez animé. Du coup, on va directement commencer avec McLaren, avec la première place d'Oscar Piastri, la deuxième de Lando Norris. On dit juste qu'il ne faudra pas attendre jusqu'à la fin de l'émission pour qu'on évoque Red Bull. Hein, oui, bien sûr. Ah. On vous fait un peu de watch time quand même, parce que voilà, on ne va pas directement en parler, même si c'est le principal truc, mais on ne parlera pas de Max Verstappen à la toute fin. On va faire une petite entorse à notre programme habituel. Normalement, Red Bull aurait dû être la huitième équipe dont nous parlons, puisque c'est dans l'ordre des résultats. On en parlera un petit peu plus tôt, parce que voilà, on va en parler quand il y a un maximum de gens, et puis à la fois quand il y a une logique à en parler au moment de Mercedes, puisque ça inclut forcément les deux équipes. Quand les gens ont fini leur dessert. Voilà, c'est ça. Là, vous avez le temps, prenez le temps. On va parler tranquillement d'une équipe dans laquelle il n'y a pas de drama pour l'instant. Bienvenue pour l'instant. Oui, Zéro demande 99, ça t'a pas plu. C'est pourtant un titre pour McLaren à la fin. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'Eddie Irvine a failli être champion et je trouvais que la Formule 1 méritait pas ça. Donc j'ai eu peur jusqu'au bout. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça aurait pas été le meilleur champion de l'histoire, on va dire. J'admets que ça aurait été un peu... inattendu. Après, Jenson Button, champion du monde de Kim Brown Grand Prix, oui, genre inattendu, n'est pas mal non plus. Hein. Mais Button avait au moins un potentiel, on l'avait vu. Irvine, il y avait quand même un manque de sérieux évident. Mais voilà, non, c'est vrai qu'effectivement, c'était pas mal. En tout cas, ce Grand Prix, donc pour McLaren, ça a été effectivement plutôt tranquille, dans le sens, tranquille, pas forcément tranquille sur la course, mais en termes de résultats, on a un doublé en qualif, un doublé en course, un hat-trick pour Oscar Piastri. Donc, pôle victoire et meilleur tour en course, comme Norris avait fait la semaine dernière à Monaco. Globalement, Franck, je pense qu'on peut dire que la directive technique TD018, qui oblige à un peu plus de flexibilité des ailerons avant, n'a pas trop perturbé l'équipe britannique. Non, bon après ça ne reste qu'un seul circuit aussi, mais c'est quand même un circuit clé référence en termes d'aéro. Donc on peut estimer que si McLaren réussit à rester devant sur ce circuit-là, qui justement juge très très bien la qualité de l'aéro des monoplaces, il ne doit pas y avoir trop de problèmes pour la suite. Après, On l'a quand même vu, il y a quand même eu pas mal de comparaisons qui sont sorties un peu partout. Hein. Toutes les télés se sont amusées évidemment à comparer avec les angles de caméra constants, voir comment ça fléchissait ou pas. Et c'est vrai que chez tout le monde, on a vu que ça fléchissait moins. Chez McLaren aussi. Maintenant, en termes de hiérarchie, ça n'a pas du tout bouleversé les choses, soyons clairs. Non. Même si on disait que Ferrari avait beaucoup moins investi là-dessus, bon, bah peut-être qu'ils ont été moins loin que ce qu'ils auraient pu espérer. Voilà, c'est bon, assez difficile, après toujours un seul Grand Prix de dire quoi que ce soit, mais c'est vrai que McLaren avait comme une telle avance. Je pense que aussi c'est pour ça qu'ils étaient confiants de bien l'aborder. Ils avaient pu tester cet aileron-là en expérimentation à Imola, ce qui est pour ça que aussi que l'aileron n'apparaissait pas comme nouveauté technique lors de la liste des évolutions qui sont toujours présentées par la FIA. Et voilà, maintenant c'est le jeu, et je pense que c'est quand même bien de voir que la FIA arrive aussi à contrôler ça, même si c'est toujours délicat. Maintenant, attention, Tombazis a dit que les instruments de mesure de la FIA en termes de caméra sont devenus quand même assez précis et qu'ils ne s'excluaient pas maintenant d'avoir des contrôles aussi dynamiques. Donc vous savez que maintenant qu'il y a des caméras qui surveillent les ailerons avec des petits stickers fixés sur les ailerons. Et maintenant, si ces caméras sont jugées réputées assez fiables pour mesurer de la flexibilité en dynamique, c'est-à-dire en roulant, on pourrait encore avoir une directive technique supplémentaire dans la saison. Donc pour l'instant, ce n'est pas exclu. En tout cas, pour l'instant, ouais, rien à redire là-dessus. Le pari de Christian Horner, il est totalement, ra totalement raté. McLaren n'a pas d'aile coupée. Non, non. Et voilà, ça gagne aussi. Alors, ça gagne peut-être pas avec une minute d'avance, mais ça gagne toujours. Donc voilà, bah, rien à dire sur ce McLaren. Toujours aussi une très bonne entente entre les deux pilotes. Voilà, ils l'ont dit hein, clairement, ils sont très contents d'avoir le champ libre aussi pour le titre mondial. Pas de consigne pour l'instant en tout cas. Et puis bon, si en plus Verstappen commence à se saborder lui-même des points, il y a encore moins de raisons de favoriser un pilote plutôt que l'autre. Donc on va dire week-end parfait hein, pour McLaren. Bah, c'est vrai qu'en plus, ils se dirigent vers le scénario idéal qui serait en fait d'avoir le titre. Bon, petit constructeur, déjà, ils ont plus de 200 points d'avance, donc ça semble pas entendu, mais pas loin. Le titre pilote, ils se dirigent vers le scénario idéal pour eux. C'est celui où ils vont réussir à arriver sur la fin de saison avec assez d'avance pour se battre jusqu'au bout, sans être inquiété par un autre pilote. Alors évidemment, on n'en est pas encore là. Verstappen n'est que à 49 points, mais il est quand même déjà à 49 points. On peut le voir aussi comme ça. Donc c'est vrai que c'est un bon pour l'instant le scénario est idéal pour McLaren hein, évidemment voilà. Après alors déjà je remercie Vardoron qui a pris un abonnement aussi à la chaîne. Merci beaucoup à toi. C'est vrai que on est sur un pour ce qui est des ailerons flexibles, il y a effectivement la menace entre guillemets d'un contrôle des contrôles dynamiques. Je pense que si on fait des tests dynamiques, toutes les équipes vont être en grosse difficulté parce que là à mon avis, il n'y a pas que McLaren qui a un aileron parce que si Horner l'a fait au départ cette plainte, enfin s'il y a eu des plaintes sur les ailerons flexibles, c'était parce que eux n'avaient pas un aileron qui fléchissait trop. Mais je pense quand même qu'à haute vitesse, les ailerons fléchissent quand même. Et j'ai tendance à penser que toutes les équipes seraient en galère et que ça coûterait cher de faire du développement pour une demi-saison. Enfin, je sais pas s'ils le feront cette année, hein, les tests sur le test dynamique, mais ça ferait beaucoup, beaucoup de budget à Ouais. mettre et beaucoup de dépenses aéro sur En le plus, grand. Hamilton a déjà dit que c'était un peu du gâchis d'argent, puisque ça n'a rien changé à la hiérarchie. C'est ça. Après, c'est aussi pas forcément juste pour cette saison-là, comme tu le dis, ça peut être aussi un investissement pour le futur, parce que ce jeu de la flexibilité, il revient finalement, peut-être pas d'année en année, mais très souvent, ben, comme effectivement une sorte de chose assez très difficilement, plutôt qu'on peut réglementer très difficilement, pardon. Parce que voilà, on peut pas interdire la flexibilité totale d'un aileron, c'est pas possible. Le carbone, ça fléchit, c'est comme ça. Il faudrait retourner aux ailerons en acier, et encore, Encore, l'acier, ouais. ça Tout pourrait plat, aussi, là. Ouais. c'est ça. Non, après, je pense que la performance, par contre, à Barcelone était un petit peu intrigante parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, on n'a même pas amélioré, je crois, par rapport à l'an dernier, la pole. Malgré des. Et il n'a fait, entre guillemets, que 5 degrés de plus en qualification, donc pas assez pour justifier le. Voilà, alors qu'on a vu beaucoup d'améliorations hein, sur les premiers Grands Prix quand même de la saison. Donc, il n'y a quand même pas eu un effet global sur la grille. Ça, c'est probable. Hein. Je pense quand même, oui, effectivement. C'est probable parce que de toute façon, on va avoir des ailerons qui, alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est 5 mm, enfin 5 mm, un peu plus, mais 5 mm par quintal de charge. Le truc, c'est que c'est pas des grosses valeurs, mais malgré tout, à l'échelle d'un aileron, ça braque quand même vachement plus l'aileron sur les lignes droites. Donc forcément, les lignes droites, les vitesses en ligne droite sont sûrement moins élevées. Maintenant, la question est effectivement Lambo Diablo et la pose, et c'est très intéressant. C'est est-ce que c'est mieux d'avoir des ailerons moins flexibles? Et en fait, pourquoi on a fait tout ça? La question, bah, c'est pas forcément mieux, ça change pas grand-chose. Et le seul but de tout ça au départ, c'était de d'assurer, on va dire, une certaine légalité des voitures, mais au final, les voitures étaient toutes légales, puisque les équipes se conforment toujours à ce qu'on leur demande de faire. Et au final, il n'y a rien de changé au niveau de la hiérarchie. Donc c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Hamilton, tout ça pour ça. Ça fait un peu coup d'épée dans l'eau de la part de la FIA, coup d'épée dans l'eau de la part de Red Bull, hein, parce qu'on se rappelle que c'est quand même eux qui étaient très vocaux à l'idée que la McLaren est illégale, son aileron flexit trop, sa voiture, le refroidissement n'est pas bon, il y a de l'eau dans les pneus, voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer la prochaine fois. Mais le fait est que bah, pour l'instant, la McLaren est tout le temps légale. Le mini DRS à l'arrière, il a été corrigé, ça n'a rien changé, ils ont toujours une très bonne vitesse de pointe. Donc au final, il n'y a pas grand chose qui change. Je dirais juste au bout d'un moment, il va falloir arrêter de faire des dépenses pour tout le monde, juste sur les allégations de Red Bull, quoi, parce que ça me paraît un peu compliqué de vraiment lancer des grands schémas. Là, on voit que Red Bull a fait une demande à la FIA récemment pour les matériaux de. J'ai perdu le nom de. Changement de phase. Voilà, ils ont fait interdire des choses, encore une fois, dans le règlement officiellement, en demandant si c'était autorisé. C'est bien, ça, mais il va falloir quand même que Red Bull se rende compte aussi que, au lieu de juste essayer de trouver ce qui est illégal sur la McLaren, bah en fait, il y a peut-être une autre façon de progresser. Après, c'est toujours pareil. C'est l'écart non plus. Je m'attendais quand même à ce que les autres équipes se prennent une pilule un peu plus importante de la part de McLaren à Barcelone. Finalement, l'écart, il n'est pas non plus monstrueux, ce qui pourrait rassurer certaines équipes. Maintenant, ils ont quand même semblé plus à l'aise qu'à Imola, par exemple. Mais effectivement, avoir quand même dans les données maintenant, tout le monde va expliquer les données de Barcelone pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur ces monoplaces 2025. Est-ce qu'on continue le développement ou pas? Et c'est vrai que là, il y a des décisions assez cruciales qui vont être tirées depuis ce Grand Prix, parce que c'était quand même, en termes de référentiel avec des secteurs très rapides et aussi des secteurs lents. Voilà, maintenant, est-ce qu'on se focus vraiment sur 2026? Ah, chez Red Bull, la réponse, elle est déjà là. C'est juste le titre pilote pour Verstappen, le titre constructeur, on l'a clairement dit, c'est pas du tout jouable. Ils en sont enfin, voilà. Mais chez Ferrari, peut-être de quoi au moins rectifier les problèmes, être serein pour 2026 et jouer la deuxième place au championnat constructeur, ce serait un minimum. Maintenant, je vois pas Mercedes Mercedes mettre trop de billes sur cette voiture-là aussi. Sachant tout le potentiel que 2026 leur réserve avec leur moteur. Mais bon, oui. On est déjà quand même début juin, donc d'habitude on parle de bascule nouvelle voiture vers le mois de juillet. Ça ferait qu'un mois d'avance sur une bascule à 100%. Mais après, faut pas oublier qu'il y a déjà des équipes qui ont déjà choisi de ne plus faire du tout de dépenses en soufflerie et CFD, c'est le cas de Williams notamment. D'autres l'ont fait aussi. Et je pense qu'on va s'y diriger tranquillement pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de faire des tests techniques sur les voitures, de développer des petites évolutions et tout ça. Et pour certains, ça va être le moment de se demander si c'est le cas ou pas, s'il faut le faire. Parce qu'effectivement, alors McLaren, si les autres continuent de mettre la pression derrière, ce sera un peu en réaction, ils seront obligés. Parce qu'ils vont pas avoir, ils n'ont pas la marge pour... ils ont la marge dans le classement constructeur, mais ils n'ont pas la marge pour y aller tranquillement sur la fin de saison. Et c'est vrai que c'est souvent le genre de changement réglementaire où on voit que l'année suivante, c'est des équipes outsiders qui se retrouvent en tête parce que justement, elles ont eu plus de temps de développer des voitures nouvelles. Je pense à 2009, quand on passe d'une domination McLaren-Ferrari à une domination Red Bull-Brand. Et voilà. Maintenant, en plus, il y a aussi le cas de voir que la hiérarchie a beaucoup changé ce week-end. Pas beaucoup changé, mais la hiérarchie a un petit peu changé quand même dans le peloton, et du coup ça va sûrement aussi porter à des décisions pour certaines équipes de derrière. Et voilà, comme le dit Hachou, Montagny le disait, ce serait plus facile pour les équipes derrière de faire le switch, puisqu'elles ont moins à perdre. C'est pour ça que Williams fait partie des équipes qui ont déjà lâché les développements en soufflerie. Je pense que McLaren, Red Bull et Ferrari, Mercedes continuent à en faire un petit peu, même si c'est de moins en moins. Voilà pour McLaren. Alors bon, c'est vrai, pour l'instant, bonne situation. On va parler également maintenant de Ferrari. Ferrari, la troisième place de Charles Leclerc, la sixième de Lewis Hamilton. Charles Leclerc avait sacrifié sa qualification en termes de pneus. Il avait fait un, Il avait décidé d'utiliser un relais, de faire un relais avec des pneus usés, et il a pas, il a décidé de faire ça pour avoir plus de pneus frais en course, et ça a plutôt réussi parce qu'il était parti pour se diriger vers une quatrième place qui finalement s'est transformée en il était en bataille pour la quatrième place. Et donc ça s'est transformé en troisième place finale après l'incident dont on parlera plus tard. Lewis Hamilton était un peu plus en difficulté mais a battu Leclerc en qualification. Petit drama de nouveau chez Ferrari en course, hein, évidemment on ne peut pas s'empêcher. Leclerc a été ralenti par Hamilton en début de course, il a fallu qu'il y ait 5 ou 6 secondes de perdu pour qu'ensuite on décide de faire le switch. Toi Franck, de nouveau, est-ce que tu penses qu'il y a une passivité dont on parlait la semaine dernière et dont on parlait aussi la semaine d'avant, je crois, ou la course encore avant, je ne sais plus, chez Ferrari, qui commence à être un peu problématique en termes de décision et de proactivité en course? Oui, après, je peux comprendre aussi que c'est pas évident de demander à un pilote, dès le début du Grand Prix, de s'effacer pour l'autre. En général, ça arrive quand même un petit peu plus loin, mais là, c'est vrai que la différence de rythme entre Leclerc et Hamilton était assez nette. Ce qui était d'ailleurs pas forcément attendu, hein, puisque en général sur le rythme de course les deux pilotes Ferrari sont plutôt dans le même rythme. Après ça dépend souvent des stratégies de pneus ou s'il y a eu un petit problème. Vasseur a révélé quand même qu'il y a eu deux problèmes pour chacun, sans dire lesquels. Donc notamment le deuxième relais pour Hamilton, ou le troisième relais pardon. Mais sur le premier relais, il n'y a pas forcément de problème particulier. Et je pense que demander à Hamilton de vite s'effacer pour Leclerc en début de course, ça a un petit peu aussi conditionné sa réponse aux médias après la course, où il disait vraiment qu'il n'avait rien à dire, que voilà, il comprenait pas, que ce genre de choses. Je pense quand même qu'il commençait un peu à subir le contre-coup de la différence là sur, en tout cas sur ce Grand Prix-là, de performance avec Leclerc. Alors certes, comme tu l'as dit, il a réussi à faire un peu mieux en qualification. Et à Monaco, en plus, il était vraiment pas très loin de Charles pendant une bonne partie du week-end, sauf qu'au moment où ça comptait, en Q3, il était un poil plus loin, mais bien là quand même. Mais c'est vrai que là, en termes de rythme de course, il y a quand même une sacrée différence. Et oui, comme tu dis, il y a quoi, 5-6 secondes qui sont envolées. Ça aurait pas changé le résultat de Charles, tout cas, au final. Ça lui aurait peut-être mis sur le podium, peut-être plus rapidement en tout cas, sur la position de jouer la troisième place directement face à Russell ou Verstappen, sans être embêté. Mais bon, je peux comprendre aussi chez Ferrari que demander à Hamilton de s'effacer tout de suite, c'est quand même un peu chaud. Il devait certainement aussi attendre d'avoir un petit peu plus de données pour étayer la demande de Leclerc aussi, je pense. Voilà, être vraiment sûr que Leclerc était vraiment sur un rythme plus rapide, sans flinguer ses pneus derrière aussi, parce que c'est toujours plus facile de dire je suis plus rapide, mais si derrière tu flingues tes pneus 5 tours ou 10 tours plus vite, c'est pas la même chose. Donc forcément, hein, n'importe quel pilote peut aller plus vite, hein, pendant 2 ou 3 tours, et puis après si derrière il a plus de pneus, ben voilà, c'est pareil. Donc là non, la différence était quand même assez nette. Et rare pour le signaler. Maintenant, c'est quand même une équipe Ferrari en progrès par rapport au tout début de saison, soyons clairs. Le triplé de course a quand même plutôt bien réussi à la Scuderia, ça fait quand même 2 podiums. Donc ça va mieux. C'est pas encore la grande joie pour les fans de la Scuderia, soyons clairs. Une victoire à la régulière, ça reste encore un petit peu inaccessible. À voir sur des circuits très atypiques, comme dans Montréal, hein, notamment, avec très peu d'ailerons, beaucoup de vitesse de pointe, un peu moins d'aéro, un peu plus de grip mécanique. Mais on sait que le grip mécanique à faible vitesse de la Ferrari, c'est pas forcément l'idéal. Même si à Monaco, quand c'est du full grip mécanique, on a vu que ça pouvait jouer. Donc voilà, ça va être compliqué pour la Scuderia. Je pense qu'ils se rendent compte très vite que le titre est pilote, évidemment, on n'en parle pas. Le titre constructeur, évidemment, il est perdu. Par contre, à la deuxième place au championnat, ça doit être un petit peu l'objectif secret, je pense, de Fred Vasseur. Et des victoires, je pense. Voilà, donc s'il y a deux objectifs pour eux, c'est un, comprendre cette voiture, pourquoi ça ne fonctionne pas. Notamment les accords de suspension entre l'avant et l'arrière. On a une suspension arrière qui arrivera normalement en revue et corrigée à Silverstone. Ça, bien comprendre, parce que ça va servir pour la voiture 2026, ce que disait Vasseur, hein, c'est qu'en termes de mécanique, il y a beaucoup de choses à tirer de 2025, en termes d'aéro, plus grand chose. Et la deuxième place du championnat, histoire de sauver un peu la face devant les tifosi, devant le management, la direction, tout ça. Et voilà, l'autre objectif, évidemment, aussi, c'est de pas créer de tension trop grande entre Leclerc et Hamilton, en tout cas pas avant 2026. Parce que si on commence déjà à frustrer un pilote par rapport à l'autre dès cette saison-là, C'est vrai qu'il y a certains qui se diraient pourquoi Hamilton a été se foutre dans cette galère-là si c'est pour être sacrifié tout de suite, quoi. Alors qu'il y a peu, alors qu'il y a pas d'enjeu pour le titre pilote, hein, selon Claire. Donc, mais voilà, pour le titre constructeur, effectivement, bah, il fallait laisser le champ libre à Leclerc devant pour aller chercher les points. Donc, rien à dire là-dessus. Après, sur les 5 ou 6 secondes que Leclerc a pu perdre au départ, on peut toujours. Voilà, est-ce qu'il faut pas trancher dans le vif, comme on aime le dire un peu plus rapidement. Je serais d'accord, je suis d'accord avec toi. Je l'ai d'ailleurs dit en même temps en live que voilà, il fallait switcher vraiment rapidement. Oui. Et au fait, au bout d'un tour, ils l'ont fait aussi. Donc, pour moi, c'est pas trop tard non plus. Voilà, non, c'est sûr. Mais bon, c'est politiquement parlant, voilà, c'est quand même délicat de dire à un pilote de switcher aussi rapidement en début de course, quoi. Ça, c'est sûr. Et tu disais effectivement, le triplé de course a été très bon pour Ferrari. Alors, c'est vrai que pour un petit bilan. Constructeur de ce triplé. McLaren a marqué 116 points, Ferrari a marqué 71 points, il n'y en a eu que 39 pour Red Bull et il n'y en a eu que 18 pour Mercedes. Donc effectivement, c'est clairement la bonne opération de Ferrari pour la lutte pour la deuxième place. Maintenant, voilà, c'est vrai que moi, je pense qu'ils doivent effectivement essayer de progresser et de gagner des courses dans la fin de l'année, parce que ce serait bien pour eux, ce serait bien pour le moral de tout le monde. S'ils arrivent à faire gagner leurs deux pilotes, c'est encore mieux. Je vois beaucoup dans le chat que Hamilton n'a pas le moral, accuse le coup et a l'air frustré. Je pense que c'est le cas. Et en même temps, je pense que Hamilton, il n'est pas bête. Il est toujours en train de s'adapter. Et je pense qu'il est en train de travailler beaucoup sur lui-même pour 2026 et dans sa relation à l'équipe, je dirais. Parce que je pense que la voiture lui convient pas très bien. C'est une voiture qui débarque, la voiture elle est nouvelle, elle est pas du tout à son. Il a eu aucun. Comment dire. Il n'a pas participé au développement. Je pense qu'il faut. Pour lui, c'est déjà 2026. Et c'est vrai qu'en 2026, on reviendra sur des natures de voitures qui lui conviennent beaucoup plus. Avec beaucoup plus de. Avec un peu plus d'aéro, avec pas mal de grip mécanique. Et c'est vrai que je pense que sans ces voitures à effet de sol, il sera un peu plus à l'aise. Maintenant, effectivement, je pense que voilà, Ferrari, pour moi, c'est de toute façon, comme tu dis, les deux titres ils sont déjà foutus. Maintenant, il faut se concentrer sur des petits objectifs et puis les réussir pour calmer les fans, calmer la presse, calmer le directoire et puis pouvoir travailler tranquille pour l'an prochain. Quoi. Et l'autre enjeu aussi, c'est aussi de faire fonctionner cette relation entre Adami et lui. Parce que bon là il n'y a pas eu de drama sur ce Grand Prix en tout cas, mais voilà, c'est aussi un enjeu en termes de comment dire de zénitude, on va dire, d'ambiance, ouais, au sein de la Scuderia, parce que si ça revient, ça peut être problématique. Donc parce qu'il y a quand même déjà des gens qui demandent la tête d'Adami, évidemment, donc c'est pas quelque chose de très très, très cool non plus en termes de construction, d'intégration dans une équipe. Si la personne avec laquelle vous devez vous travailler, ça se passe, ça c'est tendu, quoi. Donc là, tant que si c'est une saison un peu blanche, on va dire, voilà, c'est même si c'était pas du tout c'est pas du tout ce qui était espéré, hein, parce qu'on rappelle quand même que Ferrari fin 2024, ça va plus que Châtelier McLaren, hein, ça la bat quand même pas mal. D'où effectivement aussi la douche froide pour tous les fans de la Scuderia, pour Hamilton aussi, parce que je pense qu'il s'attendait pas non plus à ça, forcément. Leclerc, j'en parle même pas. Voilà, c'est au moins tiré du positif du mauvais. C'est ce qu'il faut faire. Par contre, effectivement, 2026, c'est pas le droit à l'erreur là. Là, c'est clair que. Je pense que si ça marche pas, il y aura une révolution. Oui. Ça va être vraiment la nuit des longs couteaux, comme on dit. c'est vrai que ça. Je pense que ça va être un vrai carnage. Mais en attendant, effectivement, après on parle du moral d'Hamilton, je pense que Leclerc, faut pas oublier le nombre de couleuvres qu'il a avalées ces dernières années aussi, et je pense que Leclerc, il est pas non plus, on lui prête une fidélité absolue à Ferrari et tout ça. Leclerc, le jour où il dit je suis sur le marché, il y a la moitié du peloton qui veut le recruter, donc parce que ça reste aujourd'hui un pilote top 3, top 5, hein, grosso modo. Il y en a certains qui le poussent d'ailleurs à être sur le marché. Ouais. Bon, pour l'instant, il peut pas, il a signé à long terme, mais oui, c'est Steiner, non, c'est ça qui lui a dit, voilà, d'aller voir ailleurs. Mais bon. Non, puis au final, Leclerc, c'est un peu tôt pour ça. Je vois pas chez Red Bull, chez Mercedes, il n'y a pas une meilleure situation pour l'instant que chez Ferrari, donc il a raison de rester chez Ferrari pour l'instant, mais voilà, c'est pas terrible. Après, Hamilton, je vois l'âge qui a avancé comme argument. Moi, quand je vois la fraîcheur d'Hamilton à la fin des courses, et quand je vois l'absence de fraîcheur de certains jeunes pilotes, je me dis qu'Hamilton, il n'y a pas de souci d'âge. Alors peut-être qu'il est un peu moins affûté et encore, je ne suis pas sûr. Et en tout cas, je pense qu'il ne subit pas la fatigue de l'âge, comme on peut voir des fois chez un Alonso, qu'elle est très tirée après la course ou quoi. Hamilton, il est frais, mais genre ultra frais. Quand il est dans tous les médias peines qu'il fait, il n'y a pas une goutte de sueur, il n'est pas essoufflé. Oui, non. Et il est même moins fatigué qu'à la fin de ses courses chez Mercedes en 2022-2023. Donc pour moi, il n'y a pas encore le problème de l'âge, ça se posera. Parce que c'est pas, physiquement, peut-être qu'en termes de réflexe, peut-être qu'en termes de mental aussi, ça peut être un peu différent. Il y a peut-être une lassitude qui peut s'installer. Ça, voilà. Ouais, ça, c'est possible. Mais après, la lassitude, je pense que s'il se remet à gagner, elle disparaîtra. On a vu l'an dernier, quand il a commencé à retrouver les premières places, il était jeune dans sa tête. Mais oui, après, voilà, effectivement. Mais en plus, le problème, c'est que la Ferrari n'est pas bonne en qualif. Et Leclerc est un excellent candidat au qualif, donc je pense que ça n'aide pas non plus à voir ce que Hamilton voit vraiment. À mon avis, il n'a pas tant perdu que ça dans ce qu'il va aller en qualif, je pense. Bah après, en Barcelone, il était quand même pas loin. Enfin, il était même devant en qualif. Ouais, donc, il est devant, mais avec effectivement une tentative en plus. Mais, c'est ça. Mais bon, voilà. il était quand même dans les chronos, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Mais bon, voilà, en tout cas, pour Ferrari, ça reste un podium de plus, donc c'est quand même des progrès. Et moi, je suis pas... Je pense, vu la dynamique chez tout le monde, je pense que la place de vice-champion des constructeurs leur est largement réservée s'ils font ce qu'il faut. Bah, s'ils arrivent à faire la même dynamique que fin 2024, là maintenant, ça peut effectivement nous faire une très jolie deuxième partie de saison. Ils peuvent finir loin devant Red Bull et Mercedes, je pense. Mmh. Ils viendront peut-être pas chercher McLaren pour le championnat constructeur, mais choper des victoires à gauche et à droite. Bah, c'est ça. Ça, c'est bien, ça fera encore ce que je disais, le petit effet sur la fin où ça y aura pas le petit titre qui va au bout, mais voilà, tu finis quand même sur une dynamique qui donne, je pense, aussi vachement de motivation à l'équipe pour l'hiver. C'est dommage, ça, c'est comme ça. Après, puis voilà, s'ils peuvent, c'est pareil, si Leclerc peut remonter et choper la place de meilleur des autres derrière les pilotes McLaren, dans l'idée où ils sont encore devant, bah forcément, c'est bien aussi pour lui, c'est bien aussi pour eux. Donc voilà, c'est vrai que il y a encore pas mal d'enjeux. Oui, encore pas mal d'enjeux pour Ferrari mais effectivement maintenant je pense qu'il faut aussi accepter que la saison sera pas ce qu'ils avaient prévu dès le départ. Et je pense que Vasseur ça l'a déjà accepté depuis longtemps, c'est peut-être ce qui lui donne un air un peu plus détendu que la moyenne des fans de Ferrari, mais voilà, et puis il va faire du mieux avec ce qu'ils ont. On va parler de Mercedes. Alors là c'est pareil, Mercedes c'est pas tout rose non plus, c'est pas la catastrophe, mais il y a quand même quelques soucis. Et on va parler d'abord on va commencer par, une fois n'est pas coutume, on commence par Andrea Kimi Antonelli, qui a été un petit peu, bon, qui était pas mal dans la course, hein, qui était pas très loin de Russell. Ils étaient partis pour faire 6 et 7 à la régulière au départ, hein, avant que les choses s'animent. Et puis Antonelli a été victime de sa deuxième casse mécanique en 3 courses, donc là c'est quand même un peu inquiétant du côté de Mercedes. On a clairement entendu une casse de quelque chose qui correspondait au moteur thermique et de la fumée sur un côté, hein. Donc ça c'est souvent quel que soit le problème de base, c'est souvent que ça concerne le moteur. On rappelle qu'Alonso a aussi cassé une bougie qui a cassé un cylindre à Monaco aussi, donc ça fait encore une casse moteur pour Mercedes en plus. Donc ouais, qui dit, oui. Le problème de fiabilité là chez Mercedes, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça commence effectivement à faire beaucoup, et donc oui, c'est un peu ça peut être inquiétant. Et alors, c'est le seul point qui inquiète pour McLaren. Paradoxalement, McLaren a l'air de mieux gérer ses moteurs pour l'instant. On sait que la McLaren est très très bonne au niveau du refroidissement, et je pense que ça doit aussi peut-être jouer, hein, parce que là c'est des grands prix où il fait chaud quand même, donc ça aide pas non plus. Doko, pour que tu dis dommage pas McLaren, il y a des gens qui sont très contents que ça ne touche pas McLaren. Dommage, je pense, pour le suspense, s'il veut le dire. Oui, mais bon, après ce serait dommage aussi d'un côté que la lutte Norris-Piastri nous soit enlevée juste parce qu'il y en a un des deux qui a des casses moteurs, on va dire. Tu voudrais rappeler un petit certain Rosberg Hamilton 2016, toi, peut-être? Malaisie? Peut-être. Peut-être. Il y en a qui ne sont pas prêts pour ce débat, mais non, ça n'enlève rien au mérite de Rosberg. Mais voilà. Mais bon, moi cette fois-ci c'était pas la FIA qui lui a enlevé son titre. Bref. Et donc du coup pour Antonelli, ça a été un week-end un peu compliqué. Alors, c'est vrai que Clémence dit, on voit qu'Antonelli est un peu plus en souffrance à la fin de ce triplé. Le rythme des 9 courses en 12 semaines peut avoir un lien, c'est possible, mais je pense plutôt qu'il y a une dynamique aussi, que son triplé concrètement ça a été 2 courses avec des casse moteurs et une course de Monaco, la Mercedes, elle est pas du tout. Et je pense qu'il y a une espèce d'image globale. Antonelli lui-même, j'ai pas l'impression qu'il soit trop en souffrance. Il est en retrait de Russell, mais Russell, encore une fois, c'est top driver, quoi qu'il arrive. Après, toi, je sais pas ce que tu penses de. Est-ce que tu t'inquiètes de la fiabilité? Est-ce que tu penses que Mercedes est condamné à toute l'année à avoir ses problèmes avec la chaleur aussi? Parce qu'ils ont quand même eu des soucis avec les pneus encore. Ou est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore sauver l'été comme ils ont fait l'an dernier? Ah, c'est compliqué à dire. Hein. J'avais envie de croire que la chaleur ne les perturbait plus trop, puisqu'en Arabie Saoudite et en Bahreïn, ça s'est plutôt bien passé. Puis au final, on voit que ça reste quand même un petit peu handicapant pour eux. Donc la température des pneus est quand même. De toute façon, pour tout le monde, ça reste quand même le paramètre essentiel à surveiller, puisqu'un pneu qui surchauffe est un pneu qui se dégrade plus vite. Oui. Et on sait que les maîtres en la matière, pour l'instant, c'est McLaren. Donc voilà, tout le monde essaie de vraiment maîtriser ce paramètre-là, de jouer sur les écopes de frein, le design, l'aéro, pour essayer de comprendre comment on fait McLaren, en tout cas, pour avoir quelque chose de plus stable à ce niveau. Ça n'a pas l'air d'être un gros souci chez Ferrari. Ça l'est encore un peu chez Red Bull, clairement. Qu'on voit que, bon, on en parlera après, mais voilà, Verstappen passe sur une stratégie à 3 arrêts pour maintenir ce rythme-là. Mais chez Mercedes, oui, ça reste un sujet. Alors après, c'est quand même moins flagrant que les années passées, soyons clairs. Ça reste quand même dans le bon peloton, pas le peloton de McLaren, malheureusement, parce que McLaren sont un petit peu tout seuls dans leur peloton, on va dire. Mais voilà, ça joue quand même bien, parce que Russell, il fait quand même un deuxième relais très solide qui lui permet de passer Hamilton, puisque Hamilton avait réussi à prendre un peu l'avantage sur Russell, et puis sur la fin, finalement, bah, il se fait passer par une meilleure stratégie de Mercedes à ce niveau-là. Et voilà, après, pour la fiabilité, malheureusement, ça va être à eux de nous le dire. Hein. Dans le cas d'Alonso, on a la réponse, c'est une bougie qui a éclaté dans un cylindre, donc il y a un cylindre qui ne fonctionnait plus à Monaco. Il pensait pouvoir continuer, mais en fait, bon, c'est vrai que le cylindre, au bout d'un moment, le petit morceau, il a dû se loger dans un endroit où il fallait pas, et ça a tout grippé, donc c'était plus possible, comme très souvent. Il y a aussi eu un problème de faisceau électrique, je sais plus pour quel moteur. Anthony, là, je crois que c'est pour toi, Anthony, ouais, c'est un problème, il y a un court-circuit dans C'était celui après Imola, ça. C'est ça, donc le court-circuit dans le faisceau électrique, donc quelque chose qui n'était jamais arrivé aussi. Donc là aussi, peut-être une question de process de production, voilà, qui a changé, ou quelque chose qui n'allait pas, puisque on voit que ça se joue finalement à très peu de choses. Et maintenant, il va falloir attendre de voir quelle a été la cause du problème de dimanche pour Kimi. Mais ouais, c'est vrai que ça fait quand même potentiellement trois problèmes différents, trois courses. C'est ça. Mais ce qui est vrai, c'est ce qui est étonnant, parce que c'est un moteur qui a toujours été très fiable. Les moteurs qui sont gelés en plus depuis 2 ou 3 ans. Donc. C'est pour ça que notre avocat demande quid de la fiabilité du prochain moteur. Je pense qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est pas lié, là c'est plutôt une question d'exploitation. Peut-être aussi que la voiture. Peut-être que la Mercedes qui a plusieurs problèmes de suite, soit il y a un souci, soit peut-être que Antonelli est un peu moins doux, parce qu'il faut oublier qu'ils avaient quand même reçu la Hamilton avant, donc ils ont peut-être des réglages de voiture ou quoi qui sont un peu plus. Proche de la limite, on va dire, et qu'avec Antonelli au volant, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que voilà, c'est des coïncidences aussi. Hein. Encore une fois, les F1 font beaucoup, beaucoup de courses avec des exigences énormes envers les moteurs. Bah oui, des fois, les pièces lâchent, hein, c'est comme ça. Mais voilà, la loi des grands nombres. Donc non, moi, je suis pas trop inquiet pour eux, mais c'est vrai que c'est une belle alerte rouge. Voilà, donc bon, après Antonelli, moi je suis pas trop inquiet non plus. C'est vrai que là il a eu pas de bol. Trois courses, il y a eu deux pannes mécaniques, un accident en qualif à Monaco et la stratégie pourrie le dimanche. Je pense que là il faut tourner la page, faire un petit reset. Faut pas oublier qu'à Miami juste avant, il avait fait une pole pour le sprint et la troisième place en qualif. Donc je pense qu'il n'y a pas de, oui. pas de soucis. À mon avis, Antonelli est toujours dans sa bonne dynamique, quoi qu'il arrive. On va parler de George Russell, qui a fait un début de course, ma foi, solide. Il est un peu comme il est habituellement, c'est-à-dire qu'il est toujours là, en tout cas jamais trop loin, et toujours prêt à récupérer des points. Globalement, j'ai pas grand-chose à dire sur le début de sa course. Je sais pas toi si tu as des choses. Non, au début, ça allait. Après, il a fait un... Après, Hamilton était réussi quand même à remonter devant, je sais pas par quel miracle, j'ai pas trop suivi effectivement ce double. Voilà, parce undercut, que ouais, c'est ça, un undercut, voilà. C'était un peu toujours un peu compliqué d'essayer de suivre un petit peu tout le monde. J'aurais pu se de recul demain ou après-demain. C'est vrai que là, l'avantage c'est que c'est un peu frais, mais aussi ça arrive vite aussi pour décortiquer tout le monde. Donc, comment l'un et l'autre ont réussi à se passer l'un l'autre sur la piste, c'est toujours un peu compliqué, mais il a fait effectivement une course plutôt solide. Donc ouais, pareil, rien de particulier à dire avant. Avant le. Voilà, ça y est, on y arrive. L'image d'Hatchoum est très très bonne, c'est il menait sa barque dans le top 5, c'est exactement ça. C'est ça. Ce que fait Russell souvent, on le voit pas trop, mais il est toujours là. Moi je salue d'ailleurs cette caractéristique chez lui, c'est parce que voilà, c'est vraiment. Il est toujours là à l'affût de prendre les moindres points. Et c'est comme ça, tout a commencé quand il a voulu prendre un peu plus de points. Donc il y a eu le premier incident entre Leclerc et Verstappen. Donc à la relance, Verstappen est en pneu dur, il monte un peu sur le vibreur. La voiture dérive. Alors c'est vrai que la vue de haut, je sais pas si vous avez vu la caméra de haut, mais alors c'est une belle glissade. Hein. Ouais. La caméra embarquée écrase vachement l'angle que prend la voiture, mais en fait il s'est retrouvé quand même avec un joli angle. Ouais, moi aussi j'ai cru que ça allait vraiment finir dans le mur. Leclerc en profite, il se touche au bout de la ligne droite, l'un qui va vers l'extérieur, l'autre qui va vers l'intérieur. En soi, il y a pas grand chose à redire là-dessus. Et de là, pas au bout, au milieu de la ligne droite. Enfin, au milieu, ouais, sur la partie sur la descente. Et là arrive George Russell qui décide. Non, Max va pas tout droit, Xoans. Max a aussi le volant braqué à droite. C'est pour ça que les commissaires n'ont pas donné de sanctions. C'est parce que les deux sont légèrement en train de bouger. Voilà. Russell fait une attaque, certes un peu optimiste, dans le premier virage. Il touche Verstappen, qui l'envoie dans le dégagement. Verstappen ressort devant Russell. Son ingénieur lui dit de laisser passer Russell parce qu'il pense que sinon il y aura pénalité vu qu'il pense qu'il a gardé sa place devant lui en étant hors piste, alors qu'en fait il aurait pu rester devant parce qu'il a été poussé hors piste par l'autre pilote, mais ça ils avaient un doute à ce moment-là. Et Verstappen se perd un peu dans le virage suivant, ralentit, et au moment où Russell le passe, accélère et va littéralement s'écraser sur la voiture de devant lui. Donc de manière totalement volontaire, voilà, la frustration à parler, hein, comme qui dirait. Alors déjà, je tiens à rappeler que le dernier précédent de ça, d'un pilote qui va directement au contact volontaire de l'autre, c'était Sébastien Vettel à Bakou en 2017, sous période de safety car, il avait écopé d'un stop and go de 10 secondes. Donc c'était quand même quelque chose d'un peu plus violent qu'une pénalité de 10 secondes. Et on pense évidemment tous à RS 97, où Schumacher avait braqué sur Villeneuve et avait été carrément exclu du championnat. Mais là, c'était une menace de la FIA avant la course en disant « Le premier qui fait le con est disqualifié du championnat. » Maintenant, c'est vrai, comme dit John Smith, il faut voir sur le, ce qu'il y a écrit sur le constat pour savoir si c'est volontaire. Effectivement, ils sont probablement en train de l'envoyer à leurs assurances respectives pour savoir. Mais voilà, donc effectivement, le Brésil de Max sur Hamilton, il n'y a pas eu de pénalité. Ben non, mais la FIA avait dit qu'elle avait, avait regretté de ne pas avoir mis de pénalité. Elle avait dit que normalement, ça aurait mérité 10 secondes aussi. Donc là, voilà, il y a eu ce fameux contact volontaire qui a donné 10 secondes de pénalité à Verstappen, qui derrière s'est plaint en disant que de toute façon, il n'allait pas en parler parce qu'il ne pouvait rien dire, en gros. Hein, et qui a juste fait ça. Toi, Franck, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu résumes un peu ça? Et qu'est-ce que tu as à dire à ce brave Max qui, pour lui, a mis déjà quasiment 24 heures à présenter des excuses? On y reviendra après. Et puis, ouais, qui, globalement, hier, disait qu'il n'y avait pas grand-chose à commenter là-dessus. Le retour du Max des premiers jours, on va dire. C'est celui qu'on n'aime pas voir. Voilà, parce qu'on est. Je rappelle, parce que là, on a quand même aussi été un petit peu attaqué sur notre couverture de ce qui s'est passé hier soir. Dire qu'on était ravis de voir ce qui se passait pour Max, que voilà, qu'il allait se faire peut-être disqualifier, enfin se prendre une suspension d'un Grand Prix parce qu'il arrivait peut-être aux 12 points de suspension, en fait il arrive à 11. Voilà, parce qu'il n'a pas été pénalisé pour l'affaire Leclerc avec Leclerc, mais il a pris effectivement 3 points de pénalité sur sa licence, il était à 8, il arrive à 11, donc il frôle la suspension d'une course pour un point seulement, donc il a intérêt à se tenir à carreau, notamment au Canada. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que voilà, je vois un pilote effectivement frustré. Donc ça, je ne le nie pas. Par contre, pour moi, c'est, enfin, j'ai du mal à comprendre que la FIA n'ouvrirait pas comme une enquête derrière pour une infraction au code sportif international. Ce qu'a d'ailleurs eu aussi Vettel, hein, pour le coup. Voilà, parce que intentionnellement sur quelqu'un, je pense que personne ne nie la chose. Il y a aucun, même Horner et Marco ont eu bien du mal à le défendre, en disant que ça serait réglé en interne. Beaucoup de médias, alors tous les médias britanniques évidemment, les médias français et, je tiens à signer, les médias néerlandais et les consultants néerlandais qui sont en général les premiers à défendre Verstappen, l'ont qualifié de mauvais perdant. Donc voilà, ce n'est pas que Next Gen Auto, ce n'est pas que la presse britannique, ce n'est pas que la presse française, c'est aussi les médias néerlandais. Et je tiens du coup à passer un petit message à tous les fans, que ce soit les pros, ceci, les machins, les anti, machin. Donc là, les pros Verstappen qui sont pas aussi capables de voir chez leur pilote qu'il a des côtés sombres, et ça, c'est typiquement le côté sombre de Verstappen. Voilà, moi ça m'a beaucoup déçu, clairement. Je pensais qu'il était passé au-dessus de ce genre de choses. Qu'il ventile sa frustration à la radio ou post-course ou autre. Il le fait toujours très bien à sa manière, parce que maintenant on n'a plus le droit d'attaquer directement frontal les FIA ou les commissaires, parce que sinon on peut se prendre des sanctions et des amendes assez corsées. Ça me va tout à fait. Par contre, quand on va sur la piste aller s'attaquer directement à un pilote pour lui montrer son mécontentement, parce qu'ils auraient pu finalement rester tous les deux sur le carreau, pour moi, là, ça va plus. Ça va plus du tout, c'est pas du tout tolérable. Donc je sais pas si ça va s'arrêter là. Mais le fait qu'il ait présenté des pseudo-excuses aujourd'hui via un post Instagram, c'est même pas des excuses, en fait. C'est des mots à chaque fois qui sont extrêmement bien choisis pour pas dire qu'il est... Voilà, il a dit que ça devait pas arriver, genre voilà, C'est plutôt Horner qui a dit que Verstappen a présenté des excuses en interne dès le débriefing hier soir. Mais ne pas pouvoir reconnaître ses torts en public, alors peut-être que le faire, ce serait peut-être aussi donner du grain à moudre à la FIA pour une possible convocation derrière, pas l'oubli non plus. Ça reste quand même pour moi quelque chose d'assez... encore une tâche en plus sur sa carrière qui n'a pas lieu d'être. En plus, on parle d'une quatrième place au final peut-être, voilà. Et surtout des points qui sont bêtement perdus. Voilà, puisqu'il perd 9 points dans l'opération. Donc s'il perd le titre au bout de l'année pour 9 points, on saura d'où ça vient. Voilà, pour des choses qu'il n'arrive pas à contrôler. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je suis plus qu'en colère, je suis presque déçu en fait. Parce que je pensais voir. Moi, le seul point noir de Verstappen, c'est resté ses dive bombs, ses attaques, ses protections, ce genre de choses. Voilà, la partie dépassement, défense, où là-dessus on se crispe toujours. Mais de là à aller percuter volontairement un autre pilote, je retrouve un peu le caractère un peu sombre qu'on voyait des fois chez Michael Schumacher, clairement. Et ça me gêne un peu. Voilà. Je te laisse un peu la parole parce que sinon je peux faire un long monologue. Mais non, mais tu peux. Le but c'est qu'on fasse le débat aussi. On est là pour ça aussi. Après, il y a des débats, il y aura pas trop. Moi, je suis totalement d'accord. Alors, j'ai juste quand même une chose sur laquelle je suis pas totalement d'accord, et je vois beaucoup de gens dans le chat qui parlent un peu comme toi, c'est de dire le Max comme ça est revenu et tout ça. Je pense qu'il n'était pas parti. Je pense qu'il n'était pas parti parce que... Ouais, on est en sommeil, on va dire, alors. Ouais, parce que non, mais en fait, quand on voit les conneries dont il est capable en n'étant pas frustré, je pense au départ, quand il se fait passer par Piastri à Jeddah, je pense à ce qu'il fait à Norris à Miami, je pense à ce qu'il fait l'an dernier à Austin, je pense à ce qu'il fait l'an dernier à Mexico, deux fois. Me dis pas qu'au, enfin, tu vois, je pense pas qu'au premier tour d'une course, il est quoi que ce soit qu'il est frustré. Et pour moi, c'était évident que de toute façon, il serait le jour où il serait un peu plus énervé, ça irait plus loin. Et je suis convaincu que, et là pour moi ça me donne parfaitement du grain à moudre. Et déjà l'an dernier il fait une manœuvre dégueulasse avec Norris en Autriche où il va le percuter en ligne droite. Il y a des gens qui étaient venus me dire non mais c'est de la faute de Norris. Non, il le tasse, et une fois que Norris ne peut pas aller plus loin, il le touche volontairement et il lui laisse pas la place, et ensuite il le tasse dans l'herbe juste après quand les deux ont une crevaison. Il y a deux choses comme ça qui ont été faites, et ça c'est de la frustration. Et là, si Norris ne se met pas dans l'herbe et si Norris ne décide pas de s'arrêter, il y a un accrochage beaucoup plus violent. Donc pour moi c'est exactement la même chose, c'est le même principe. Je vous encourage à regarder, c'est encore sur YouTube, la lutte globale Norris Verstappen en Autriche l'an dernier, c'était vraiment grotesque. Et d'ailleurs, s'il avait pris des bons points de pénalité ce jour-là, il serait suspendu aujourd'hui. Et ensuite, pour moi, ça donne du crédit à ce que ma théorie que j'ai depuis Jeddah 2021, qui est que son gros freinage en ligne droite à Jeddah n'était pas un freinage pour laisser passer Hamilton, mais un break test pour le crasher. Et j'en suis convaincu. C'est-à-dire que pour moi, Verstappen n'a plus aucune question de danger, de vie ou de mort quand il est frustré. Donc là, ça va, il le tape dans une épingle, c'est pas grave. Si ça arrive de nouveau sur un circuit, je sais pas moi, aux abords de la chicane à Montréal, si ça arrive au bout de la ligne droite à Kemmel, à Spa ou autre, faudra pas s'étonner le jour où il satellise un mec dans un grillage. Et je pense que vraiment, et là je reviens sur ce que Nodoka a dit tout à l'heure, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que la FIA a perdu l'occasion de dire aux pilotes qu'une chose est inacceptable. Là, pour moi, il aurait fallu lui mettre 4 points de suspension, enfin, 4 points sur sa licence, et une course suspension en lui disant, ça, on est capable de trouver ce qu'il faut sur le déroulement de la course, et au pire, d'augmenter les barèmes, mais un mec qui va percuter un autre volontairement, c'est suspension directe. Parce que, pour moi, il n'y a pas... je pense qu'il faut revoir cette histoire de permis avec des suspensions directes dans certains cas. Parce que, pour moi, les pilotes doivent être conscients, et il y en a 19 qui sont totalement d'accord avec ça, sur les 20, les pilotes doivent savoir qu'on ne peut pas percuter un pilote volontairement. Et l'an dernier, ce qu'il fait en Autriche, c'est hyper dangereux. Alors il le fait, ils sont quasiment au ralenti parce qu'ils se sont crevés les pneus à cause du premier choc qui était déjà hyper dangereux. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Alors quelqu'un peut-il faire appel? Ils ont 48 heures pour faire appel de la décision. Mais le problème, c'est qu'il a déjà été puni, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire demander un point de suspension, enfin un point de permis en plus. Mais voilà, pour moi, c'est exactement le même Verstappen qu'on a depuis le début. C'est un excellent pilote, c'est le meilleur pilote du monde, c'est un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Là-dessus, je l'ai déjà dit, je le dis sans problème, il le mérite. Le problème, c'est que justement, c'est un des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1, donc ça ne devrait pas arriver. Et c'est exactement ce que dit Russell, c'est un exemple pour des gamins. Alors Verstappen, quand il a été informé de ces propos-là, il a dit que la prochaine fois, il amènera des mouchoirs. Le fait est qu'au lieu de se foutre de la gueule de Russell, il ferait mieux de comprendre qu'il a raison, Russell. Parce que Verstappen est un exemple pour des jeunes pilotes, est un exemple pour des gamins qui sont en karting, qui veulent devenir Max Verstappen, le prochain Max Verstappen, et qui veulent devenir, comme lui est devenu le prochain Michael Schumacher, le prochain Lewis Hamilton en termes de palmarès. Voilà, et il y en a qui veulent devenir le prochain Max Verstappen, et si pour eux, devenir le prochain Max Verstappen, c'est de n'avoir aucune limite en piste, et ben on va avoir une belle génération de gros cons sur la piste. Et quand je vois, par exemple, Arvid Lindblad dans la manière dont il court en Formule 2, je me dis que le jour où il va débarquer en F1, on aura deux Max Verstappen sur la grille. Et je suis pas très confiant à cette idée-là. Parce que Lindblad, il est très très bon, il est très rapide, il s'adapte très bien. Ça vous rappellera sûrement à certains pilotes néerlandais. Mais quand il s'agit de faire une lutte pour l'un contre l'autre, à la fin, c'est toujours lui qui finit par foutre un coup de roue. Et je pense que c'est un gros problème. Et la FIA, comme le dit Hatchoum, est totalement fautif pour ne pas l'avoir recadré comme il fallait. Parce qu'au lieu de modifier les règlements dès 2016... pour le fameux Max Verstappen, quand il a commencé à foutre des coups de roue au freinage, ce qu'il fait encore aujourd'hui, hein, on l'a vu ce week-end, eh ben, il aurait peut-être fallu lui dire « ça, tu peux pas, et tu vas être suspendu ou tu vas prendre des points de pénalité ». Ça fait 10 ans qu'on le voit comme ça, comme le dit Hatchoum, et malheureusement, la FIA a laissé faire. Aujourd'hui, elle est débordée parce qu'en fait, ben, il est de plus en plus sale, parce que là, concrètement, il fait des trucs qu'il faisait pas il y a plus de 3 ans, hein, de 2016 à 2021, il a jamais fait de trucs aussi dégueulasses. Il a fait des trucs dégueulasses, mais pas à ce point-là. Et là, je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'elle lui dise stop de manière très violente. Et tant pis s'il vient chouiner, tant pis s'il vient dire, oh, de toute façon, on peut rien faire, on peut rien dire, c'est un discours de vieux con, donc voilà, tant pis pour lui. Mais il faut qu'il décide, il faut que la FIA décide de mettre le holà à ça, parce que je pense qu'un jour, il pourra blesser quelqu'un. Après, c'est Dr. Kenobi qui dit qu'il avait fait en sim racing. Elle a tout à fait raison. Quand on voit ce genre de comportement aussi en sim racing, ça se voit que c'est tellement possible de le faire, du coup, en vrai, quoi. Et des fois, il fait peut-être même pas la distinction entre ce qui est grave et pas grave, en fait. Ouais, c'est ça. Tant qu'il arrive à se faire justice aussi lui-même, en fait, c'est ça. C'est pénible. C'est aussi ce genre de personne, voilà, dont parlait, Toto Wolff, voilà, c'est aussi on appelle ça le road rage en anglais, donc la rage au volant. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que tout le monde ici, hein, pour tous ceux qui conduisent, je pense qu'on a tous une personnalité bien différente dans une voiture et en dehors d'une voiture. Voilà, quand on est en général dans les bouchons, les embouteillages ou autre chose, quelque chose qui ne nous plaît pas, on n'est pas en général les derniers à insulter, voire faire des gestes. Je sais pas vous, mais moi je ventile en insultant les gens et en écoutant du métal. Après, vous faites. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que tout le monde a en fait cette double personne. Et je parle des hommes comme des femmes d'ailleurs, ce qui est très intéressant parce que. Il y a une étude aussi là-dessus qui dit qu'une fois qu'une femme est au volant, elle peut aussi être très très agressive aussi. Donc, ce que vous ne verrez jamais dans la vie de tous les jours. Donc, quand vous avez un petit peu cette personnalité-là dans une Formule 1, waouh, là c'est une question de danger. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Donc, j'abonde à 10 000% à tout ce que tu as dit. ça devient effectivement pénible. Je sais pas ce que la FIA va décider par rapport à ça. Moi, l'autre point qui m'attriste aussi, c'est que Max Verstappen a un tel pouvoir dans son équipe, puisque en fait son équipe ne tient plus qu'à lui maintenant. Hein. Clairement, s'il n'était plus là, la Red Bull serait au fin fond du classement. Alors là, on n'est pas toujours d'accord avec Manu, mais là, force est de constater que je pense que s'il n'était plus là, ça serait vraiment la bérésina pour Red Bull. Ses patrons ne lui disent rien. Tout juste, ils disent on va clarifier ça en interne. Voilà, il a été frustré par la décision, les pneus, ça lui allait pas. Il voulait pas des pneus durs, mais bon, il y avait que ça. On lui a demandé de redonner la place, et il a jugé qu'il fallait pas. Et au final, on n'aurait pas dû. En plus, au final, ils se disent on n'aurait pas dû la redonner puisque la FIA ne l'aurait pas autorisé, enfin, ne l'avait pas demandé. Donc son cumul de frustration fait que voilà, il a fait ça. Et Horner et Marco ne peuvent pas l'anglais parce que ici ils savent très bien que c'est un pilote qui peut être extrêmement sanguin et que sur ce genre de détails là, il pourrait très bien dire eh ben je me barre. Est-ce qu'on se rend compte? je le verrais bien le voilà, juste pour une connerie ou un mot de travers qu'on pourrait lui dire. Je pense qu'il voilà, je dis toujours les chiens font pas des chats et on sait un peu comme Jos Verstappen était sanguin. En étant éduqué à la dure, il y a forcément des choses aussi qui sont restées un petit peu dans un coin de la mémoire. Et je me dis que voilà, si un jour ou l'autre il y a Horner et ou Marco qui disent un truc qui lui plaît pas, il claque la porte. Et je pense qu'il sera très très ravi de le faire. Surtout qu'en plus il dit que moi le titre est cette année, mais je le joue pas. Vous regardez les McLaren, elles sont imbattables. Voilà, il dédramatise tout comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'on peut, enfin en tout cas, est-ce qu'on peut réfléchir deux secondes au niveau de toxicité d'une personne que ses patrons n'osent pas engueuler sous peine qu'il fasse le bordel dans l'équipe. Quand même, enfin, moi, c'est vraiment, je trouve, c'est super chaud. Et ouais, globalement, enfin, je trouve que c'est vraiment scandaleux de la part de Verstappen. Et l'argument, je joue pas le titre, donc je m'en bats les couilles, il est encore pire parce que ça veut dire que du coup, il réfléchit au danger et à la vie des autres que quand son propre résultat sportif est en jeu. Ouais. Le jour où il joue pas la victoire, il s'en bat les couilles. S'il finit par tuer quelqu'un, bah tant pis, de toute façon, c'est pas grave. Parce que là, vous allez peut-être dire que j'exagère. Hein. C'est vrai qu'il vient juste toucher une voiture dans une épingle. C'est pas grave. Au pire des cas, il y a un double abandon. On l'a déjà vu d'ailleurs. Il a déjà fait des choses comme ça avec Hamilton. Mais le problème, c'est que si on commence à laisser ça passer, et là, finalement, si jamais il s'en sort bien, qu'il arrive à pas se faire suspendre, pour lui, il faut bien se rendre compte que ça va être comme si c'était rien passé. Hein. Croyez pas que les 10 secondes de pénalité ou les 2 points sur son permis, 3 points, il en a quelque chose à foutre. Tant qu'il ne sera pas suspendu, et même s'il est suspendu, de toute façon, il aura du mal à croire que c'est de sa faute. Donc ne croyez pas que ça va changer quoi que ce soit à son comportement. Il n'y aura pas une once de changement de son comportement. Et ne croyez pas que la prochaine frustration, dans le même genre, où il sera frustré par une décision de son équipe, par la météo, par un coup de vent, par-ci, par-ça, je sais pas, ou parce qu'il n'aura pas eu ce qu'il voulait à manger le midi, il va faire quoi? Il va aller encore accrocher un pilote et encore tenter de mettre quelqu'un en danger parce que. Un jour ou l'autre, il nous refera le coup de Jeddah 2021, et peut-être que ce jour-là, le mec qui est derrière n'aura pas le réflexe qu'a eu Hamilton ce jour-là, parce qu'il faut pas oublier que Hamilton passe, il y a un accrochage, mais passe près de se faire envoyer dans les grillages. Donc, moi, je pense qu'on arrive à un point de rupture avec Max Verstappen, et la FIA s'était faite respecter avec Schumacher en le disqualifiant d'une saison, et on avait vu que même si derrière il faisait encore des conneries, il a jamais rien refait de volontaire, alors qu'il avait déjà fait 2 fois dans sa carrière à ce moment-là. Schumacher l'a fait 2 fois volontairement en 3 ans et ensuite derrière il est resté 10 ans de plus en F1, il est revenu 3 ans de plus et jamais il a fait un accrochage volontaire. Il a fait des saloperies, il en a fait pas mal, mais il y avait plus côté sombre à dire je suis prêt à mourir sur le terrain. J'exagère, mais c'est globalement l'idée, c'est jusqu'au boutisme. De toute façon, en gros, c'est après moi le déluge, voilà, c'est si je ne gagne pas, derrière personne ne gagne. En 94, on va être indélicate avec Damon Hill. Mais c'était ça. Il a toujours dit, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir laissé abandonner tout seul, puisqu'il venait de taper le mur, en fait. C'est pour ça, et là, pareil, hein, il tape le mur, mouvement de frustration, il essaye de passer, il l'accroche. Là, le problème, c'est que la FIA se laisse totalement désemparée par Verstappen. Je pense que Mohamed Ben Sulayem est très content, puisque Verstappen n'a pas de piercing, donc lui, il est content, le règlement est respecté. À part ça, voilà, et je pense... Tu sais pas ? Pas été vérifié. Ah oui, bah écoute, apparemment, en tout cas, il n'y a jamais eu de débat sur ces piercings. Peut-être, après, j'irai pas non plus aller vérifier n'importe où. Mais, et je pense que, comme le dit Xoan, Scalifia, ils sont tous virés. Il reste un président, mais lui, il s'en fout complètement. Il est déjà en train de penser à sa réélection. Après, tout ce travail incroyable a battu, puisqu'évidemment, il a eu les louanges de Fabiana Ecclestone et puis de président de club pour tout ce qu'il a fait. Et il pense qu'il faut lui laisser le temps de faire ses gros projets, hein, qu'il n'a toujours pas commencé en 3 ans et demi. Mais ça, ça fera l'objet d'un débat plus tard, pas ce soir. Ah oui, mais non, on est content parce que ça fait vendre du papier, mais tu sais, on fait aussi des bonnes audiences sans ça, hein, malgré tout. Oui. On arrive à faire des belles audiences sans que Verstappen mette quelqu'un en danger et sans qu'il aille complètement à l'encontre du sport, en fait. Et alors, c'est sûr, hein, ça fait de la polémique, ça fait de l'action, machin, mais faut bien que la F1 se rende compte que c'est pas en ayant ce sentiment d'injustice et d'impunité d'un pilote qu'elle va garder des fans. Parce qu'il y a des fans que ça va dégoûter. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est-à-dire que si un jour... je pense que déjà 2022 a dégoûté quelques fans. Bon, ils ont été... vu que les audiences étaient en flèche, je pense que ça ne s'est pas vu. Ça a été des quelques gouttes d'eau dans un océan. Mais le jour où la F1 commencera, parce que cycliquement, elle commencera un jour à avoir plus de mal. Oui, non, mais j'ai bien compris. Hein, t'inquiète pas, David J. J'ai bien compris. C'est pour la F1. Tu penses qu'elle n'agit pas pour justement garder du spectacle et faire parler. Mais je pense qu'il faut qu'elle se rende compte qu'un jour, ça aura ses limites. Donc voilà, et en fait on voit bien que de toute façon, alors comme le dit Contestani, ça permet de pas trop se concentrer sur le cas Hamilton, mais on voit bien que surtout c'est pas réservé. Quand je vois la réaction des trois, que sont Piastri, Leclerc et Norris devant la télé, ouais. Quand ils voient la réaction de Verstappen, que Norris dit ouais, j'ai déjà fait ça dans Mario Kart. Et en fait, on voit que les trois disent oh my god, machin, et on voit, parce que les trois ont déjà eu affaire à lui, en fait. Leclerc s'est fait pousser hors piste et taper en Autriche 2019, il a perdu une victoire comme ça. Norris perd une victoire en Autriche l'an dernier, il se fait sortir 3 ou 4 fois au Mexique, etc. Et Piastri, bah lui, il a réussi à lui résister, mais il s'est quand même pris aussi les assauts d'un Verstappen en roue libre. Donc en fait, et on se rend compte qu'il y a aussi Russell, qui s'est déjà accroché plusieurs fois avec et qui a déjà dit plusieurs fois que c'était un pilote dangereux. Hamilton, bah lui, ça a été le patient zéro quasiment. À l'époque, c'était Raikkonen aussi. Hein. Raikkonen s'est beaucoup engueulé avec Verstappen en disant qu'il était très dangereux. Et la FIA a préféré changer le règlement plutôt qu'aller juste parler du pilote qui n'allait pas. Et voilà. Et je pense qu'il y a un vrai gros problème. Oui, c'est accroché avec Ricciardo à Bakou. Et que même si Ricciardo le percute, c'est vraiment. Parce qu'il se cale devant. En fait, il freine devant. Donc forcément, bah, Ricciardo n'a pas le temps de freiner comme il avait prévu. Il lui fait une queue de poisson. Et voilà. Et je pense que quand on arrive à un pilote qui s'est quasiment accroché avec la moitié du peloton, bah, il faut se rendre compte que la moitié du peloton n'est pas responsable. Ouais. Donc voilà. Moi, je suis vraiment... Alors, c'est vrai que je suis jamais tendre avec Verstappen. Et en fait, je déteste quand il est comme ça. Parce que pour moi, il a tellement de talent qu'il pourrait être le pilote parfait en piste. Il serait encore le meilleur. Et il serait encore plus le meilleur. Et je trouve ça un vrai gâchis, en fait, de se donner cette image-là. Et je pense que c'est peut-être justement en voyant aussi le shitstorm qu'il y avait dans son propre pays, ce qui n'est pas forcément d'habitude aussi, qui s'est peut-être fondu de ce semi-communiqué de pseudo-excuses, voilà, qui a l'air de dire bon, moi, j'ai été trop loin, mais sans dire ni comment ni pourquoi. Donc on va dire leçon comprise, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est un avertissement qu'il a pris en compte. Soyons clairs. J'ai vu passer dans le chat qu'on disait qu'il s'est excusé auprès de l'équipe. On l'a dit un peu plus tôt, mais c'était une excuse en interne dès hier soir. Et je pense que ce qui peut se dire peut-être en débriefing, c'est peut-être un peu plus, ça va peut-être un peu plus loin que ce qu'ils peuvent dire en public. Voilà, pour ne pas non plus sacrifier leur pilote, parce qu'ils savent aussi très bien, Horner et Marco, que si eux-mêmes le sacrifient sur l'autel public, ça peut aller plus loin, justement, cette suspension ou cette disqualification. Et même si leur pilote a fait une connerie, parce qu'il faut bien appeler que ça une connerie, ils sont pas là non plus pour le démonter et le voir privé d'une course. Donc ça se comprend aussi. Mais quand on voit que là, il y a quand même, je ne dirais même pas très peu de gens, il y a personne qui l'a défendu. Personne. Quelques fans toxiques en ligne. Mais j'évite évidemment. Voilà, ces fans toxiques. Voilà, il y a des fans qui sont très pro. Voilà. Tu as quand même pris trois critiques hier. Oui, parce qu'en fait, les gens ont l'impression qu'on se réjouit de ça, mais en fait, pas du tout. C'est que ça reste quand même un fait extrêmement important. Vous avez un pilote quadruple champion du monde qui est sur le point de se prendre une suspension d'un Grand Prix. Vous êtes en fin de course. En train de traiter les communiqués, alors entre Manu et moi, on sort une info toutes les 10 minutes, parce que je vous rappelle en plus, nous, que sur Next Gen Auto, on couvre les 10 équipes et les 20 pilotes, ce que ne font pas les autres médias. Et on les couvre vite. Hein. Et on les couvre très vite. Et même on les ralentit, parce que je dis, on se met un écart, regardez le rythme de publication le dimanche soir, vous allez halluciner. Généralement, vous avez les réactions du top 3 pendant le podium. Hein, donc. Voilà, et ensuite, on se dit, quand il y a deux infos à la suite qui sont qui sont proches, on dit on laisse au moins 9 minutes d'écart. C'est pour dire. Et sinon, en 2 heures, des fois, ça peut être bouclé. Hein, voilà. Mais là, je suis désolé, l'information, elle est importante. Ça. On se réjouit pas du truc. On voit un gars qui savait pertinemment qu'il y avait 8 points sur son permis. Allez, il y a déjà un contact avec Leclerc sur les droites. Bon, celui-là, je pense que heureusement. Il était classé, mais c'est celui qui aurait pu tout faire basculer. Ouais. Si la FIA avait eu une autre vision. Si seulement après... Leclerc avait juste légèrement remis le volant droit. Voilà. Mais on a quand même quelqu'un. C'est un geste antisportif. C'est la première fois que la FIA met 3 points pour ça. Et heureusement que c'était pas 4. Si c'était 4, on parlerait pas de Verstappen au Canada. Tout simplement. Donc c'est pas un emballement tout, spécifique à NextGen ou à d'autres médias. Tout le monde s'est emballé parce qu'il y avait matière à le faire. Et parce que c'était. Voilà. Il y a des fans de Verstappen, et je le conçois totalement, mais il y a des fans de Verstappen qui sont aussi modérés, comme je disais au tout début de l'intervention sur ce sujet, qui sont capables aussi de voir ce qui est extrêmement bon chez leur pilote, mais aussi ce qui ne va pas. Et c'est ce genre de personnes-là, quand vous êtes équilibré dans la vie, vous êtes aussi équilibré dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être non plus à 100% fan de quelqu'un, parce que, bah déjà, vous vivez pas avec, donc vous savez pas comment il est dans la vie de tous les jours, vous savez pas comment il résonne dans sa tête. Mais vous ne pouvez pas pardonner ce genre d'attaque. On ne peut pas parler d'attaque suicide parce qu'on serait pas dans le même type de débat ce soir. Non. Mais ce genre d'attaque antisportive, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça ne peut pas être toléré. Et pour vous dire que c'est la première fois quand même que les médias néerlandais le condamnent quasiment. Voilà, le mot en néerlandais, je ne l'ai pas, mais c'est le mot mauvais perdant. Qui est sorti dans presque toutes les rédactions néerlandaises. Et regardez le nombre de billets qui ont été faits sur Verstappen en disant il faut pas faire ça, faut pas dire ça, machin. Regardez le nombre de médias qui ont fait des articles spéciaux là-dessus, parce que vraiment c'est vous verrez que c'est tout le monde, et y compris les Néerlandais effectivement, qui bah en fait on a tous nos limites, et le seul qu'on a pas c'est lui. Donc nous on est souvent du côté, alors nous c'est vrai qu'on est souvent, vous pouvez dire qu'on aime pas la course ou je sais pas quoi, mais moi je déteste les pilotes sales en piste, ça m'énerve. C'était très bien à l'époque quand il n'y avait pas de règlement. Hein. Je regarde des vieilles, courses, c'est très bien. Il se passe des choses assez bourrines en piste, mais à la limite, à cette époque-là, il n'y avait pas de règlement. Donc, quand il n'y a pas de règlement, tu fais ce que tu veux. Mais le jour où il y a un règlement, il faut cadrer les choses et les pilotes sont censés le suivre. Ah ben, un Pironi Villeneuve, 82, la FIA serait en sueur. Hein. C'est ça, mais, Dijon 79, la FIA, ouais. Les commissaires, mais voilà, mais parce qu'à l'époque c'était normal, parce qu'il n'y avait pas de règlement, donc tu te mets des coups de roue, machin, bon bah voilà. Et encore une fois, c'était fait avec malgré tout plus de respect que ce qu'on a vu hier. Et ça, c'est le plus important. C'est ça. Là, il n'y a pas de respect en fait. Il n'y a pas de respect pour Russell, il n'y a pas de respect pour lui-même, hein, parce qu'il ne sort pas grandi de tout ça. Pas de respect pour la course de ses mécaniciens, parce qu'il est prêt à abandonner plutôt que. Voilà, donc pour les ingénieurs et l'équipe et tout. Et il n'y a pas de respect pour le public en fait, parce que personne n'a envie de voir ça. Et si vous regardez la F1 pour ça, regardez plus, vraiment, voilà, c'est pas bon. Oui, changer de sport, clairement. Ouais, c'est ça. Et John Smith dit, à 15 ans, j'étais fan de Sénat, je pense pas avoir été autant de mauvaise foi de toute ma vie. Mais moi, tu sais que quand je suis arrivé sur F1 Live à l'époque, sur le forum, j'étais plutôt anti-Ralph Schumacher à l'époque, parce que j'ai remarqué qu'il m'énervait vraiment, parce qu'il était trop bourrin, et je pense avoir été de très mauvaise foi avec lui, hein, en exagérant beaucoup. Mais voilà, mais après, tu peux être fan ou pas fan ou quoi, mais au bout d'un moment, il faut juste admettre qu'il y a des limites à pas dépasser. Et c'est vrai que oui, il n'y a plus la dangerosité mortelle quasi assurée, mais effectivement, c'est quand même très dangereux, quoi qu'il arrive. En tout cas, voilà, oui, comme le dit Herotter, il n'y avait pas de perversité à Dijon 79, les deux pilotes se respectaient, d'où ce duel. Et effectivement, et encore une fois, on en revient à ce que je dis toujours avec Verstappen, on ne verra jamais de duel aussi long avec Verstappen. Verstappen, c'est du kit ou double au premier virage. On voit pas de duel comme ça. Verstappen, j'ai pas de souvenir d'un duel sur plusieurs virages. Et qu'on me ressorte pas Jeddah 2022 avec Leclerc, parce que Leclerc est obligé d'abdiquer. Donc voilà, c'est pas fou. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire sur Verstappen. Oui. Alors moi, ouais. Oui, j'allais rajouter aussi que John Smith a dit un truc très juste dans le chat. C'est pour moi, son mot d'excuse aujourd'hui, il est écrit par un. Son mot d'excuse est écrit par un cabinet judiciaire, hein, aujourd'hui, c'est enfin, juridique. C'est juste quelque chose pour dire, voilà, je dis que j'aurais pas dû, puis voilà, mais il prend la tape sur les doigts. Et effectivement, pour pas que ça aille plus loin, je pense que ça va, si ça peut éviter qu'il ait une enquête en plus et qu'il risque son fameux point de pénalité qui amènerait une suspension, il le fait. Mais moi, je suis persuadé que, un, il le pense pas du tout, et deux, encore une fois, il n'y a pas une seule fois le mot excuse là-dedans. Donc, c'est pas des excuses, c'est un mot où il dit que ça n'aurait pas dû arriver. Il n'y a eu aucune excuse, il ne parle pas de son adversaire, il ne parle même pas du fait, en fait. Il dit, j'ai été frustré, vous comprenez bien, j'ai été frustré, et après, c'est, il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer. Mais il ne parle pas de, de ce qu'il a fait, il ne parle pas non plus de Russell. Donc voilà, ce n'est pas, c'est pas cool. Alors qu'on voit beaucoup de pilotes, quand ils font une connerie, y compris involontaire, s'excuser auprès du premier lésé. Mais si le premier lésé, techniquement, ça a été lui, comme l'a dit Russell. Il était quatrième, j'étais cinquième, je finis quatrième, il finit dixième. Donc forcément, c'est... c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour Verstappen, mais voilà, au moins le karma lui a un petit peu rajouté. Il a pris ses 10 secondes et puis il a perdu beaucoup, beaucoup de points dans l'affaire. Il devra sans doute s'excuser en conférence de presse à Montréal, oui, possiblement, mais je pense qu'il va. Il va être torturé par les journalistes, c'est clair. Ouais, et je suis pas certain, faut pas oublier qu'en 2018, il fait des erreurs en piste. Il fait plusieurs sorties de piste, et quand les journalistes arrivent à Montréal, lui demandent. S'il espère faire un week-end propre sans avoir d'accident, il dit que le prochain qui lui pose la question, il lui met un coup de tête. Hein. Oui. Ça aussi, c'était passé au travers de tout le monde, mais il a menacé littéralement les journalistes de les frapper. Donc voilà. Ah, maintenant, ça va plus être possible. Non, c'est vrai que là, il va pas pouvoir être aussi. C'est aussi... ça. Maintenant, si Mohamed Ben Sulaim voit un moyen de prendre 50 000 euros ou 100 000 euros au passage et de lui faire faire un travail d'intérêt général, pourquoi pas. Mais ouais. Je pense que. Le souffle de la disqualification ou de la suspension d'un Grand Prix lui passait vraiment très proche et que et son équipe et lui-même l'ont senti et j'espère honnêtement que, ouais. Que ça va le calmer mais bon ouais, j'y crois pas une seconde en tout cas ce serait assez fou que cette situation se reproduise au Canada parce qu'il faut quand même qu'il tienne le Canada je crois encore après je crois que c'est après qu'il regagne ces deux points, ou je sais pas s'il les aura déjà, ou il sera déjà repassé. Je sais plus quelle est la date exacte en juin. Non, c'est début juillet. Il les a jusqu'à. Je crois que c'est. Il a, en Autriche, il récupère deux points. Donc, il doit encore se tenir. Donc, oui, c'est bien ça. Il doit se tenir un carreau au Canada, mais en Autriche, je crois ouais. Que pour le jour de la course, c'est bon. Oui. Mais il aura quand même que 3 points de marge, hein, parce qu'il récupère que 2 points. Oui, oui, oui c'est ça. Quoi bon, qu'il arrive, choper... fait une grosse connerie. C'est ça, pour choper 3 points, voilà. Par contre, ça veut dire aussi que le barème, ça fait un peu jurisprudence aussi. Et je trouve que 3 points pour un crash volontaire, perso, je trouve ça peu. Oui, moi j'aurais bien mis 4 ou 5, voire 6. Mais après tout, ça devrait être traité comme une alcoolémie au volant, par exemple. Tu prends la moitié du permis directement. C'est ouais. Numéro 1, tu dis, vous n'avez pas parlé de Raikkonen avec Verstappen quand il lui avait détruit sa course. Si, on en a parlé. Alors, je ne parle pas du départ en 2018 où il s'accroche. Mais ce n'est pas de sa faute à Verstappen, c'est qu'ils sont trois de front. Par contre, ce qu'il a fait dans la ligne droite de Kemmel et que justement le règlement a été changé parce que Verstappen faisait des décalages au freinage et qu'il cassait les ailerons à 300 km/h, ça j'en ai parlé tout à l'heure et j'ai même dit que Raikkonen n'était pas content. Donc on en a bien parlé. Et après, oui, effectivement, il récupère d'autres points en octobre. Donc, il va quand même avoir une saison assez longue parce qu'il n'aura pas le choix de bien, il aura pas le choix de bien se comporter. Mais bon, moi, je reste persuadé qu'au pire, il prendra sa course de suspension. Il n'en a rien à battre. Il ne joue plus le titre. Pour lui, il ne le joue pas. Hier, ils ont dit, justement, il y a une question. Est-ce que vous pensez avoir mis un coup d'arrêt à vos espoirs de titre? Il a dit, je ne pense pas qu'il y en ait. Donc, c'est clair. Hein c'est ça. C'est clair. Et il va faire sa course en GT3 à l'automne, puisque Marco a dit qu'il avait permis du coup, voilà, parce que lui, ouais. Son but c'est maintenant c'est de préparer la suite, donc d'avoir sa licence qui va lui permettre de courir sur le Norb. C'est tout ce qu'il attend, je pense, clairement. Ouais. Si c'est une saison sans enjeu pour lui, voilà, il va faire son boulot et rentrer chez lui et ne pas penser à la F1. Au moins en GT3, il pourra piloter comme il le veut, parce que là-bas c'est un peu plus musclé. Oui, en G3 c'est plus musclé, c'est clair. Maintenant, s'il se retrouve dans une hypercar un jour, à devoir gérer des GT3 dans le trafic. Oui. Attention à la frustration là. Ah bah là oui, la frustration. C'est pas la même chose. Parce que c'est vrai, ça c'est clair. Oui, après la suspension, ça reset à 0. Quand le pilote atteint 12 points, mais j'ai lu aujourd'hui, parce qu'il y a un pilote en F3 qui a atteint 14 points depuis le début de saison et qui en a repris 4 aujourd'hui avec des délibérés plus tardifs. Donc il est à 18 points et apparemment il repartirait avec 6 points derrière. Donc je crois qu'en fait, si tu atteins 12 piles, tu repars à 0. Mais si tu dépasses, si par exemple il est à 11, il en reprend 3, et bien il rattaquera peut-être à 2 du coup. Je crois que ça marche comme ça. Mais voilà, donc en tout cas, sinon oui, s'il prend juste un 12e point, il repartira à 0 quand il reviendra. Donc ouais, 18 faut le faire, mais en même temps c'est un pilote qui est vraiment sale. Il fait n'importe quoi, il ralentit pas sous safety car, il tape les autres, enfin bon, c'est... C'est une accorta, ouais, faut regarder un peu ces courses, c'est quelque chose. Ils essaient de faire passer que Red Bull ne joue pas le titre. Red Bull n'est pas si mauvaise que ça. Mais ça, je suis totalement d'accord là-dessus avec toi. Je le dis depuis le début de saison. La Red Bull n'est pas du tout le tréteau qu'on nous vend, malgré tout, même si elle n'est pas bien, elle n'est pas aussi bien que les autres années. Encore une fois, une voiture est bonne et à la hauteur de ce que son meilleur pilote oui, en fait. Oui, parlons quand même un petit peu de sa course, quand même, oui. Parce que finalement, trois arrêts avec quand même un rythme quand même super rapide. Oui. Ils auraient pu effectivement la faire à l'envers à McLaren qui ne s'y attendait pas forcément. Qui a eu un peu peur, ils ont eu. Ouais, ils ont eu un peu peur, effectivement. Ça donc, les a un peu chauffés. Non, non, ça. Pour moi, le titre est pas du tout. Enfin, le titre pilote, en tout cas, n'est pas du tout fermé pour Max. Et alors, oui. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'il fait une action dégueulasse, alors que jusque-là, il faisait une course folle, parce que le rythme qu'il tient pendant 54 tours, il est totalement dingue. Donc, la course de Verstappen jusque-là, c'était incroyable. Et effectivement, on voit que la Red Bull est quand même pas une très mauvaise voiture. Hein. Il était à un dixième de Norris en qualif. Il est en course, il est très rapide, même si du coup, il a pas les pneus. Il arrive quand même à être dans les... Il ressort de son troisième arrêt... dans le sillage de Norris qui vient de faire son deuxième, donc il faut quand même se rendre compte que ça marche bien. Mais effectivement, Red Bull clairement met des pilotes qui sont pas au niveau dans la deuxième. Quand je dis pas au niveau, c'est que c'est des pilotes qui sont un peu moins bons et que face à Verstappen et avec le peu de cas qui est fait de cette deuxième voiture, ça prend des proportions énormes parce que du coup, on va parler de la deuxième voiture. On a vu un Yuki Tsunoda qui était dans une galère sans nom. Et qui n'a absolument aucune idée de pourquoi il est en galère. Et là, ça me rappelle les propos de Sergio Pérez, qui, début de saison, était toujours bien, et à la fin, enfin, vers le tiers de la saison, c'est-à-dire à peu près maintenant, disait « Je ne reconnais plus la voiture, je n'arrive plus rien à faire avec. » Et là, c'est pareil, Tsunoda, il a dit « Je suis lent, et je ne sais pas pourquoi. » Et effectivement, Verstappen se qualifie 3, lui se qualifie 20. Alors, il n'y a pas un écart énorme, hein, c'est 7 dixièmes, un truc comme ça. Mais c'est énorme au niveau de la F1 quand même. Mais au niveau de la F1, c'est énorme. Et voilà. Et c'est il y a un débat énorme hein, sur cette voiture, cette deuxième voiture. Mais là, quand je vois que maintenant Horner et Marco commencent à parler de Hadjar, j'ai craint pour lui. Je crains pour lui parce qu'ils vont le mettre dedans. S'ils sont pas patients, ils le mettront dedans à la pause estivale. Et bon courage pour la deuxième partie de saison de Hadjar avec cette voiture. Mais je l'espère pas. Non, moi j'espère pas non plus. Mais ils ont l'air de s'impatienter, ils ont déjà mis une grosse pression sur Tsunoda ce week-end en disant que... Tsunoda, ils s'en foutent de sacrifier vu que c'est un pilote Honda, on va dire. Ouais. Voilà. Donc ils savent très bien que ça... Je pense d'ailleurs que le siège Red Bull, enfin le baquet, parce que le siège c'est un petit peu anglais, mais si on le dit aussi, le baquet Red Bull est quand même assez logiquement promis à 99% à Hadjar, je pense, pour 2026. Je pense que de ce côté-là, on est tous à peu près d'accord. Je ne les vois pas repromouvoir Lawson, surtout que Lawson n'est pas au niveau d'Hadjar. Je les vois pas conserver. À moins que tout ça se remette à fonctionner comme il l'avait fait au Japon, comme il l'a fait ensuite. Voilà. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'ils peuvent pas repartir sur la base qu'il avait il y a quelques Grands Prix pour qui fonctionnait mieux. On a l'impression en fait que c'est même les ingénieurs de Red Bull qui font perdre leur deuxième pilote par. En tentant de le rassurer, de lui trouver des solutions, c'est en fait ça, il l'éloigne de plus en plus de ce qui ne va pas. Et il y a deux catégories de pilotes, il y a les catégories de pilotes qui pilotent à l'instinct et qui s'adaptent un petit peu à ce qu'on leur donne, et les catégories de pilotes un peu plus techniques qui ont besoin effectivement d'avoir une voiture réglée un peu plus à leur convenance. Et pour moi, Tsunoda a toujours été un petit peu un pilote qui était capable de piloter à l'instinct. Donc, est-ce qu'on pourrait pas revenir sur une base peut-être un peu plus saine en termes de réglage? Où c'est un peu plus son instinct à lui qui le permet de piloter, de sortir de la perf, même si chronométriquement parlant ou simulateuriquement parlant, c'est moins rapide, peut-être qu'il s'en sortirait mieux. Parce que la Red Bull à Imola, certes, elle a eu des évolutions, mais on va pas nous faire croire qu'à chaque fois que Red Bull sort des évolutions en tout début en Europe, ça condamne systématiquement le deuxième pilote. Ou alors c'est Verstappen qui va saboter la voiture toutes les nuits quoi. Je n'arrive pas à le comprendre. Je veux bien que Verstappen, il y a un facteur Verstappen qu'on ne sait toujours pas exactement quantifier, qui est clairement de plusieurs dixièmes. Soyons clairs, hein, il n'est pas que de un dixième, il n'est pas de deux dixièmes. Pour moi, il est au moins à trois dixièmes ce facteur Verstappen, parce que dans les bons jours, quand il y avait un bon pilote derrière, c'était à peu près trois dixièmes la norme. Là, depuis quelques années, ça passe à 7 dixièmes, voire même des fois une seconde hein, avec Pérez. Clairement, il y a un mystère que je m'explique pas. Il y a que Red Bull qui peut avoir la donnée. Hein. Moi, c'est pourquoi on le perd comme ça sur les réglages. Je ne comprends pas. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a 3 dixièmes parce qu'ils mettent toujours des pilotes qui sont bons, mais pas excellents avec lui. On n'a jamais vu. Le dernier qui était très bon, c'était Ricardo. Il était un peu en difficulté, mais il était. Ah, il commençait à se prendre les 3 dixièmes. Hein. Sur la fin. Ouais, il avait beaucoup de problèmes mécaniques surtout. Il était un peu moins bien en qualif, il avait beaucoup de problèmes mécaniques, et comme les autres, il a eu l'air de se décourager et de perdre la confiance en la voiture. Et je pense qu'en 2018, ils ont commencé à faire justement ce truc-là. C'est que pour moi, il y a une négligence absolue du deuxième pilote. On ne fait une voiture qui correspond que à Verstappen, qui a un style très particulier. Et je dis pas que d'autres équipes l'ont pas fait avant, mais je pense que les autres équipes, quand elles le faisaient avant, demandaient quand même un petit peu le feedback du deuxième pilote pour savoir s'il était à peu près dans le truc. Ou en tout cas l'encadrait assez et l'aidait assez pour qu'il s'adapte à ce qu'il mettait dans la voiture. Aujourd'hui, on a une équipe Red Bull qui, je pense, enfin aujourd'hui, ces six dernières années, on a une équipe Red Bull, je pense, qui n'en fait que pour son pilote, qui refuse d'être le numéro autre chose que le numéro 1 absolu. Et je pense que s'il a refusé Sainz à ses côtés, c'est parce que même si Sainz aurait peut-être pas battu sportivement, il y aurait quand même eu quelqu'un qui politiquement aurait eu une puissance énorme dans l'équipe. Parce que Sainz est quelqu'un de très puissant politiquement, que ce soit par lui-même, par son manager ou par son père. Et je pense que ça, Verstappen l'a refusé pour ça, parce qu'il veut être absolument le numéro 1 absolu. Et je pense qu'il n'y a aucune considération du deuxième pilote, de ce qu'il pense, de ce qu'il veut, de ce qu'il espère ou de ce qu'on peut lui apporter pour l'aider. Je pense qu'on lui laisse faire du simulateur et tout ça, mais qu'il n'y a pas réellement de choses qui sont faites pour l'aider et lui faire comprendre la voiture en lui donnant les bonnes clés. Et ça me fait un peu penser à la différence qu'il y avait entre les équipiers de Schumacher chez Benetton et les équipiers de Schumacher chez Ferrari. Schumacher a toujours défoncé ses équipiers, en tout cas jusqu'à arriver à sa deuxième partie de carrière, mais quand il s'agit début de sa carrière, il a toujours éclaté ses équipiers, il n'y a vraiment jamais eu match. Pour autant, chez Ferrari, Irvine était un peu un branleur, donc il n'en faisait pas assez, mais il était des fois rapide, et Barrichello était quand même régulièrement au niveau de Schumacher, et assez souvent devant en qualif, parce que Ferrari travaillait avec ses deux pilotes, et Barrichello était extrêmement inclus dans le processus de développement et d'évolution et de travail de l'équipe. Chez Benetton, c'était pas du tout le cas. Chez Benetton, on avait des pilotes qui étaient à des années-lumière de Schumacher, qui ne comprenaient rien, et qui n'étaient pas des pilotes aussi talentueux initialement que Barrichello, par exemple. C'est-à-dire que on a pris des pilotes, des Jos Verstappen, des Gigi Leto, dont on savait qu'ils ne feraient pas d'ombre à Schumacher, et qui en plus derrière ont été lâchés dans une deuxième voiture qui était un peu négligée. Et on a vu des écarts phénoménaux. Et alors que chez Ferrari, voilà, on a pris Barrichello, qui était quand même très prometteur quand il est arrivé chez Ferrari. Et même un peu confirmé, on a pris Massa, qui pareil avait des défauts mais qui était quand même très prometteur, et on n'a pas pris et Schumacher les a quand même battus, et même si l'équipe était tournée autour de lui, déjà il me semblait incarner un leadership un peu plus visuel que Verstappen, c'est-à-dire qu'il était capable de prendre les balles pour son équipe, entre guillemets, il était capable aussi de défendre publiquement son équipe, il l'achetait jamais sous le bus, et il s'est même battu pour sauver Todd. Max, je suis désolé, la première chose qui va pas, il humilie son équipe en course, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose de malsain dans tout ça, il y a une espèce de relation passive-agressive, ou amour-haine, ou syndrome de Stockholm, je sais pas, peu importe lequel, mais il y a un truc qui est entre Verstappen et Red Bull qui fait que derrière, Red Bull est capable de tout lui céder au point de sacrifier les mecs qui sont à côté de lui, et je pense qu'on en est là aujourd'hui, parce que je suis désolé, je peux pas croire que dans la liste Gasly, Albon, Perez, Lawson, Tsunoda, il n'y en ait pas un seul qui puisse un jour le devancer un minimum, un peu plus que ça. Perez l'a fait, mais Perez l'a fait à une époque où la voiture était bien plus. Perez l'a fait à une époque où la voiture était bien plus bonne et bien plus avancée. Ouais. Voilà. Donc, mais une fois que la voiture commençait à avoir un peu plus d'évolution et un peu plus de être un peu plus spécifique, et ben il était complètement perdu aussi. Kiat, il a été sacrifié pour Verstappen, mais pas face à Verstappen. Mais il a été sacrifié pour Verstappen, clairement. Et Ricciardo, je pense qu'il fallait qu'il parte. Mais effectivement, je pense qu'en 2018, Ricciardo, il a vécu un peu l'enfer et qu'il a été largement laissé pour compte chez Red Bull. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de plafond budgétaire non plus. Probablement que Red Bull met tout le budget sur Max. Mais tu sais, il n'y avait pas de plafond budgétaire jusqu'en 2021, hein, en Formule 1. Et pourtant, Gasly et Albon ont été sacrifiés pareil. Donc, Et non, je pense que voilà, je pense qu'il y a, et je pense que c'était la même gestion quand il y avait Vettel et Weber. La différence, que Vettel était un meilleur leader et qui était probablement un équipier plus humain. Et je pense que malgré les tensions avec Weber, il y avait quand même un truc un peu plus correct. Et d'ailleurs, on voit, ils sont restés amis après. Et quand ils se rencontrent, enfin quand ils se voient, ils s'entendent très bien. Et je pense qu'il y a un truc un peu plus humain et sain là-dedans. Après, tu sais que, comme dirait notre cher ami Alex, qui n'est pas là ce soir, c'est ce fameux crash en essai verneux de Pierre Gasly qui retarde toujours. Voilà, c'est aujourd'hui encore, on en subit les conséquences. Bah, là, bien donc... sûr, évidemment, c'est pour ça qu'ils ont du mal à suivre le niveau des pièces d'ailleurs. Là, c'est ça. Voilà, mais tu sais que je pense que Tsunoda, dans 2-3 courses, si ça va pas mieux, ils ressortiront son. Déjà, ils ont commencé à ressortir son crash d'Imola pour expliquer pourquoi il n'avait pas les évolutions, ce qui est vrai factuellement. Mais, alors, tu sais quoi, ils les ont, les évolutions. Mais elles sont. Toutes les pièces de rechange sont conservées pour Verstappen. Ah ok, je savais même pas ça. Si, parce qu'en fait, voilà. Si Verstappen vient cracher un aileron ou un fond plat, il y a une pièce de rechange pour lui. D'accord. Il était hors de question d'avoir juste deux voitures sans avec les évolutions, mais sans pièce de rechange derrière. Ok. Et ouais. Bah ouais, logique, comme... hein. Pilote logique. Numéro 1. Voilà, c'est ça. Mais en 2010, faut oublier que chez Red Bull, on prend la, il y a deux ailerons nouveaux. Un sur la voiture de Vettel, un sur la voiture de Weber. Vettel casse le sien, on prend celui sur la voiture de Weber, on le donne à Vettel. Hein, je veux dire. Et Weber gagne le dimanche et leur fait un gros chèque en conférence de presse. Oui. Et à la radio. Alors, que là, c'est Verstappen, il dit non, mais même pas Tsunoda, il me luse un kilomètre sur la piste. Bah, c'est ça. Il ne touche pas. Tu ne touches pas. Non, mais c'est terrible. Enfin bon, voilà, on pourrait faire des heures, hein, j'imagine, de débat sans avoir au final la vraie solution à tout ça, parce que personne ne la comprend. Mais il y a vraiment un problème de gestion. Je ne peux pas croire que ce n'est pas juste Verstappen qui. Comme par hasard, serait le seul meilleur pilote de tous les temps à pouvoir défoncer tous ses pilotes et à faire complètement cracher tous les autres pilotes à côté de lui. Alors que je suis désolé, des mecs qui ont affronté un Hamilton, un Schumacher, un Prost. Bon, Prost, il a eu beaucoup de champions du monde en équipier, mais c'est des gens qui se sont battus et qui parfois les ont devancés. En fait, il n'y a pas de pilote infaillible. De toute façon, si nous on avait la solution, Red Bull l'aurait déjà aussi depuis très longtemps. Je pense que la solution commence déjà par une écoute à 50-50 des deux pilotes. Ouais. Et je pense que ça, tant que ça, ce n'est pas mis en place, on ne peut pas avoir un deuxième pilote qui peut se sentir valorisé en tout cas. C'est ça. Et écouté y compris dans ses demandes et dans ses préférences. Donc c'est compliqué quand vous avez une équipe totalement dédiée à son numéro 1 et qui développe, quoi qu'on en dise, une voiture pour aller vers ses préférences à lui. Et qu'en parallèle, on a deux dirigeants qui essorent les pilotes moralement en les mettant sous pression au bout de 4 heures de travail, quoi, peu de choses près. Donc, encore une fois, je vous rappelle qu'il sacrifie Lawson, certes il n'était pas au niveau, mais il le sacrifie après deux grands prix, dont un sous la pluie et sur deux circuits qu'il ne connaît pas. Lawson, il s'est fait sacrifier pour rien. Vraiment, littéralement, ils l'ont amené là et ensuite ils ont décidé de le brûler. Enfin, je veux dire, c'est vraiment débile. Bon, après, on peut aussi ça le dire qu'en coulisses, Honda a aussi bien mis la pression pour que ça se passe. Ouais, ils ont rajouté 10 millions sur la table. Ils ont mis la pression aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont mis aussi la pression cet hiver. Et puis, c'est. Ah, mais le après, bilan de Marco, ouais, moi, je le fais déjà bien sévèrement. Après, de toute façon, pour moi, comme pour toi, d'ailleurs, je pense que dans la suite logique des choses, c'est Tsunoda qui méritait ce baquet. Donc, ouais. Donc, le voir là, moi, ça me choque pas au final, même si pour Lawson, effectivement, bah, c'est un gros coup dur, hein, quand même, tu te fais rétrograder au bout de deux courses. Ouais. Bon, ça pèse hein, sur le moral. Mais il le dit maintenant, j'ai pas eu la chance de montrer mon niveau, et ça, c'est vrai. Maintenant, sportivement parlant, Tsunoda méritait quand même plus son baquet que Tsunoda. Donc, Tsunoda méritait plus son baquet que Lawson. Oui. Donc pour moi, là, de ce côté-là, au moins la logique des choses est rétablie. Mm. Maintenant, bon, il faut aussi qu'ils soient écoutés, parce que si juste pour moi dans la bagnole et puis derrière c'est débrouille-toi. Il y a quand même des gens qui défendent cette gestion et j'attends de voir ce qu'ils diront le jour où Hadjar va s'effondrer à côté de Verstappen, parce que finalement il y aura plus de. En fait, déjà on peut pas aujourd'hui dire Tsunoda est devenu mauvais du jour au lendemain, ça c'est faux. Ça va finir que les pilotes Red Bull Junior voudront même plus aller dans la Red Bull tant que Verstappen y sera, à mon avis. Tu sais que moi je pense que Hadjar, quand là hier il dit je me sens très très bien dans mon équipe et très très bien avec ma voiture, je pense qu'il le dit clairement parce qu'il a pas envie d'aller chez Red Bull, hein, parce qu'il doit bien entendre les discussions et je suis sûr qu'il a pas du tout envie. Il est dans une super dynamique aujourd'hui, il joue des top 5 quasiment. Il les jouera pas dans la deuxième Red Bull, faut pas se leurrer. Il jouera s'il joue des Q3, il aura de la chance déjà. C'est ça, donc, bah on voit bien que Lawson c'est mieux que Tsunoda donc. Voilà, ouais, c'est, moi, pour moi c'est l'argument fatal. Lawson est devant Tsunoda en ce moment à chaque fois. Tout est dit. Il y a eu une phrase que je voulais. Ah oui, c'était. Xuan disait qu'il y avait des parallèles avec Alonso avec Flavio, mais je trouve qu'il y a des parallèles avec Schumacher avec Flavio, moi surtout. Pour moi, ça fait vraiment passer à Benetton 94-95. Et à chaque fois que Herbert gagne en 95, c'est parce que Damon Hill a sorti Schumacher, hein, sinon sinon il n'y avait pas de victoire pour Herbert en 95, clairement. Voilà, bon, on a fait un bon chapitre Red Bull, hein, vous m'excuserez, mais c'est vrai que c'était quand même oui. Le grand truc de la course. On va parler maintenant de ceux qui auraient dû être ceux dont on parlait en quatrième place, et là c'est incroyable puisque c'est Sauber, c'est fou. Alors là, si on m'avait dit avant le week-end qu'on allait parler de Sauber pour une cinquième place, j'aurais dit non, je ne pense pas. Et factuellement, la Sauber marche plutôt pas mal avec ses évolutions. C'était mieux en qualif. Alors Hülkenberg se rate, mais il disait qu'il était déjà assez confiant après les qualifs en disant la voiture est bonne. Et Bortoleto termine 12e après s'être qualifié 12e, course un peu plus difficile. Mais alors on a vu un Hülkenberg de gala en plus, qui a fait des dépassements dans tous les sens, qui a été très incisif, qui a été propre, parce que lui pour le coup c'est un pilote propre tout le temps, et qui a fait probablement une de sa meilleure course de la saison, je pense, même si le Grand Prix d'Australie était très beau. Et puis qu'on retrouve ses coups d'éclat comme on l'avait vu chez Haas en 2023-2024. Donc moi je suis vraiment, vraiment impressionné par Hülkenberg et par Sauber, et je pense que avec ces évolutions-là, on va les voir plus souvent dans les points maintenant. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, et puis alors c'est rafraîchissant de revoir un peu Hülkenberg, un grand sourire à l'arrivée aussi, ça nous manquait un petit peu aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu, Bottas notamment, jusqu'à l'an dernier, puisque les évolutions ne fonctionnaient pas trop, sauf sur la fin de saison de l'année dernière où ça commençait un petit peu à aller un petit peu mieux. Rafraîchissant pour Hülkenberg, Bortoleto aussi était quand même aussi plutôt pas mal aussi, en, voilà, bon, il a pas eu la même chance que Hülkenberg. Mais surtout, rafraîchissant pour toute l'équipe technique qui a une huile, ouais. À mon avis aussi. Alors certes, les voitures l'année prochaine, ça ne sera pas celle-là. Donc on va dire, oui, mais comprendre ces voitures-là maintenant, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Oui, sur le papier, c'est vrai. Maintenant, il y a quand même quelques millions à aller chercher en fin de saison. Mais c'est surtout une question de validation de processus technique, une question de cohésion d'équipe, une question de faire fonctionner tout ça, faire fonctionner tous les processus de développement. Oui. C'est pas parce que la voiture change l'année prochaine que toute cette partie-là est jetée à la poubelle. Non. Pour eux, c'est hyper important que, sous l'impulsion de Mattia Binotto, que l'équipe de James Key, hein, parce que ça reste quand même James Key un petit peu le maître d'œuvre derrière. Moi, James Key, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je m'inquiétais un petit peu pour sa place. Au final, je sais pas comment ils ont tout réorganisé, mais ça commence à porter ses fruits. On voit enfin une équipe Sauber qui refonctionne dans le bon sens, qui sort une monoplace en début de saison qui certes ne joue pas le top 5, hein, mais qui est quand même dans le coup et marque quand même quelques points directement. Et là, avec un package d'évolution qui fait de bons progrès, et avec un Hülkenberg qui a une science de la course aussi qui pas celle d'Alonso, mais pas loin des fois. C'est comme quelqu'un qui est vraiment en course, c'est y faire. C'est rassurant, je pense. Rafraîchissant et rassurant pour Sauber, pour Audi aussi, voilà, parce que ça va être comme passer à Audi, pour Binotto, de se dire ok, et puis ils ont deux bons pilotes, voilà, un très bon technicien, un jeune très prometteur, donc ça aussi c'est parfait, un très joli pari aussi qui a été fait par Binotto derrière. Et c'est génial pour la suite. Donc bon, sur cette saison-là, il n'y a pas grand chose à jouer, mais voilà, ça nous repose une équipe technique, en tout cas côté châssis, qui sera a priori solide. Restera à voir, sera le niveau du moteur Audi l'année prochaine. Mais au moins, voilà, pour la suite de la saison, voilà, ça sera pas deux tiers de saison en enfer à ne pas jouer de points, quoi. C'est ça. Et alors déjà, tu as dit, est-ce que des gens pourraient dire que c'est un peu tard pour Sauber de comprendre la voiture maintenant. Et Contexani a dit, vaut mieux Bortoleto que jamais. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Joli. Elle est pas mal, on la valide évidemment. Ça, quelques jolies blagues ce soir. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur cette impression que me laisse Sauber. Je trouve que je crois qu'ils ont enfin trouvé le parfait organigramme. On a Mattia Binotto qui va être ce qu'il est le meilleur dans le poste où il est le meilleur, c'est-à-dire chef d'orchestre. Il va placer les gens, il va placer les processus et tout ça. Il va tout gérer et il le fait très très bien. Ça, faut pas lui enlever parce qu'il y a des choses qu'il faut pas lui enlever à Binotto et surtout pas ça. Faut oublier que c'est lui qui a placé l'équipe technique chez Ferrari, qui a sorti quand même les F1 de 2022 à 2025, qui sont loin d'être des mauvaises voitures. Enfin 2024 en tout cas, parce que 2025 ça a déjà un peu changé. Et On a James Key à la technique et on a Whitley à l'opérationnel. Et je pense que là, on a l'organigramme parfait chez Sauber pour enfin avoir un projet ultra solide et dans la progression. Et là, on le voit bien. En fait, comme tu dis, elles sont super importantes, ces évolutions réussies, parce qu'elles montrent que enfin, on a trouvé des processus et des protocoles qui fonctionnent chez Sauber. Et alors, ça, c'est aussi lié au matos qui a été remis à jour. Il faut pas oublier qu'il y a des Audi a investi des centaines de millions à Inville pour changer pour changer toute la l'infrastructure. Pareil à Neubourg. Et je pense que c'est les premières choses qu'on peut voir. De ce nouveau train de vie, on va dire, de l'équipe. Et pour moi, c'est un très très bon point. Et effectivement, le duo de pilotes, il n'y a rien à dire. Alors pour le coup, Hülkenberg, il faut pas oublier que Binotto a mis un petit fion à Bottas il n'y a pas longtemps en disant que Hülkenberg était beaucoup plus technique et beaucoup plus impliqué que ne l'a jamais été Bottas. Et Bortoleto, il fait pas beaucoup de bruit, mais il est ultra ultra solide. Déjà, il bat beaucoup Hülkenberg en qualif, ce qui est pas rien parce qu'il y en a pas qui se sont cassés les dents. Et il est excellent. Moi, il a pas encore de points parce que là, pour l'instant, c'est un peu circonstanciel, on va dire. Hülkenberg est beaucoup allé chercher des points quand même à l'expérience, ce que n'a pas encore Bortoleto. Mais je pense qu'avant la pause estivale, je serais pas étonné d'avoir Bortoleto avec un ou deux points au compteur, clairement. Et du coup, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils étaient dans un groupe d'équipes assez serré en termes de points, et qui ne sont plus 10e au classement, mais 8e. Donc ça, c'est pas mal aussi pour eux, parce que comme tu dis, il y a toujours c'est un coût de 10 millions par place à aller chercher. Donc c'est pas rien, hein, 20 millions de plus pour de l'infrastructure, pour des pilotes aussi, parce que ça permet de verrouiller des pilotes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, ou pour s'assurer du non-départ des personnes clés. Personne clé qui n'est pas un jeu de mots avec James Key, mais ce serait il en fait partie. Mais voilà. Zolif demande, James Key, il est bon pour faire des voitures de milieu de plateau, mais peut-il faire mieux? McLaren ne l'a pas gardé, enfin ne l'a pas gardé du coup pour rien. On en revient à ce débat où c'est quand même lui qui avait jeté les bases. Ouais. D'une F1 qui ensuite a eu le gros package d'évolution et qui est devenue extrêmement bonne. Hein. C'est vrai. Mais moi, je trouve toujours qu'ils l'ont condamné un peu vite, mais bon, peut-être qu'ils n'étaient pas bons dans l'organigramme. Voilà, ouais, je crois que c'était ça, parce que tu sais qu'il n'y a jamais eu de remise en question ou quoi. Ils ont toujours dit que ça n'avait pas fonctionné. Et je suis persuadé qu'avec l'organigramme technique qu'ils voulaient faire à trois têtes, lui, il ne s'intégrait pas dedans, en fait. C'est ça. Ils avaient besoin d'un mec comme Rob Marshall et puis d'autres gens à côté, Prodromou et le 4-3e, je ne sais plus qui c'est. Mais il est quand même à la base, c'est quoi, c'est la MCL 60 ou celle d'avant encore? 36, 22, voilà. Ouais. C'est ça, donc. Qui n'était pas terrible, mais qui était la première suspension à tirant. Et ils avaient eu beaucoup de mal à s'adapter à ça, parce que c'était eux, ils étaient une des rares équipes qui avaient choisi cette solution-là. Ils ont eu beaucoup de mal à faire fonctionner cette solution, notamment sur l'aéro ensuite que ça générait à l'arrière. Mais c'est le même ADN de cette voiture qui est devenue la MCL 60 de fin de saison, qui enchaînait les podiums. Derrière une RB19 qui était pourtant imbattable, enfin intouchable. C'était qui la Toro? Est-ce que c'était lui la Toro Rosso qui battait la Red Bull à l'époque Sainz? Oui, 2015, c'était déjà lui, ouais, tout à fait. Et il a fait aussi des Toro Rosso pas si mauvaises que ça des années suivantes. 2016-2017, ils sont pas mauvaises encore les Toro Rosso. Doko, je me souviens plus du parcours de Hulk, mais j'ai l'impression que partout où il va, l'équipe progresse. Et ça, c'est vrai. Oui. Haas, c'est le cas. Avant ça, c'était Renault qui l'a fait progresser aussi. Avant ça, il y a eu Force India qui l'a fait progresser. Le seul échec, je dirais, c'est Sauber quand il est en 2013, mais il est resté une saison. Et il est reparti parce que l'équipe était vraiment dans le chou complet. Mais sinon, c'est plutôt le cas. Et je pense qu'effectivement, même quand il était chez Racing Point, puis Aston Martin en troisième pilote, il était quand même. Déjà, il fait des pitches extraordinaires par rapport au fait qu'il n'est pas du tout dans le jeu. Et il était très bon en tant que pilote de développement. C'est vrai que Xoan, t'as raison, là où il va, Esteban suit ensuite, effectivement. Donc, c'est assez marrant. Mais en tout cas, Sauber, c'est un très très bon, très, très bon week-end. On va donner la petite note à confirmer, mais franchement, c'est assez rassurant. Et ça fait encore une équipe de plus qui va se battre pour les points. On se rappelle que là, dans ce week-end, il y a 8 équipes dans les points. Hein, donc, c'est sur les 10. C'est quand même pas rien. Et ça montre à quel point c'est serré. Et équipe suivante dans les points, c'est Racing Bulls avec de nouveau un Isaac Hadjar proche de la perfection. Je trouve que c'est le meilleur rookie de chez Toro Rosso depuis un paquet d'années maintenant. Et enfin Toro Rosso, AlphaTauri, je dis Toro Rosso parce que je pense qu'il faut remonter à Toro Rosso pour avoir un rookie aussi bon dans cette équipe. Et donc il fait encore une Q3 de plus, toujours pas d'élimination en Q1 pour Isaac Hadjar, et qui termine 7ème. Liam Lawson termine 11ème après une course un peu plus brouillon, et là aussi une qualif un peu plus ratée que celle de son équipier. J'ai tendance à penser que ça va commencer à vraiment se compliquer pour Lawson, par contre, ça c'est clair. Et que Hadjar, malheureusement pour lui, va rapidement attirer les convoitises de ses... de ses leaders chez Red Bull. Je sais pas ce que t'en penses, ça. Bon week-end à Isaac, mais. Oh, très bon week-end encore, hein, pour lui, évidemment. C'est bien, c'était une petite bataille un peu là. Notamment sur la grille déjà, entre. Il y avait Leclerc, Gasly, Hadjar, ils étaient tous un peu dans le même coin, c'était un peu sympa à voir. Ouais. Et non, bref, il fait encore une super course, hein. Voilà, c'était pas non plus évident. Parce que là, pour le coup, il y avait une vraie course de gestion de pneus aussi, donc peut-être un peu plus à l'ancienne, on va dire. Que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, il s'en est super bien sorti. La voiture elle est aussi très bien née pour ça. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'il progresse vraiment en plus de Grand Prix en Grand Prix. Et c'est des pas qui sont sensibles qu'on arrive à quantifier. Et ça fait derrière des bons points. Mm. Oh, il aurait pas pu viser plus, hein, je pense. Non. Donc voilà, bah, rien de plus à dire que c'est encore un très bon week-end. Et comme tu le dis. Il commence effectivement à recevoir les louanges de Marco et même de Horner. Le baiser de la mort. Quoi. Alors les louanges de Marco, elles viennent toutes seules. Oui. Les louanges de Horner, à chaque fois, c'est quand même des questions posées par souvent la presse française, pour ne pas dire Canal+, qui vont les titiller un petit peu, parce que sinon Marco, Horner ne parle pas spécifiquement de Hadjar si on ne l'interroge pas sur le sujet. Et parce que voilà, bon, c'est pas non plus son pilote direct, et puis que bah, enfin, sinon, tout le monde a compris comment ça va arranger chez Red Bull, hein. C'est en allant titiller Marco qu'en parlant d'un sujet qu'on arrive presque à forcer les choses. D'un Tsunoda qui était entre guillemets assuré de finir la saison, on passe à un Tsunoda qui pourrait ne pas passer la pause estivale. Je vous avoue, faudrait faire un sondage peut-être sur le site internet, peut-être qu'on pourra le proposer. Ça doit être une bonne idée de sondage. Est-ce que vous avez envie de voir Isaac Hadjar, ouais. Peut-être dans le chat déjà, est-ce que vous avez envie de voir Isaac Hadjar dans une Red Bull après l'été? Bon, alors, peut-être que nous, on vous aiguille aussi dans notre discours et dans nos débats sur le fait que ce deuxième bac Red Bull, j'ai pas envie de dire qu'il est maudit, mais c'est un petit peu ça. Le chat pour voir. Je crois que la réponse est assez claire. Je vois un oui, je crois. Un oui qui a été effacé, non? Non, mais je vois même pas de oui, moi. J'ai vu un yes, mais... Et même des gens comme Soon38 qui n'a jamais participé, qui vient dire non dans le chat, tu vois, donc je crois que c'est très clair. Bien. Oui, voilà, si vous n'avez jamais participé, oui ou non, mais bon, voilà, c'est assez... assez unanime. Si on dit oui, on est ban. Non, avec toi. Donc, Ah non, par contre, si vous dites oui, pourquoi? Mais oui, vu la configuration actuelle d'une équipe totalement tournée vers Verstappen, pourquoi aller griller... Je vais pas dire griller le talent, parce que le talent se grille pas, mais griller le mental d'un pilote, si vous pouvez pas lui fournir les outils, autant en termes de ressources, ingénieurs et compagnie, écoute, développement, que le pilote numéro 1. Donc, je le vois malheureusement propulsé dans le bac Red Bull en 2026. Parce que je ne vois pas Tsunoda, s'il continue comme ça en tout cas, si Tsunoda ne s'en sort pas, je ne le vois pas rester là en 2026, puisque voilà, on rappelle quand même qu'il est quand même très fortement connoté, soutenu, sponsorisé par Honda. Même si Tsunoda ne devrait pas pouvoir rejoindre Aston Martin l'année prochaine. J'ai malheureusement peur que si la tendance se poursuit comme ça, c'est quand même fou de dire on a peur de voir un autre pilote français dans une Red Bull. Ouais. C'est quand même pour vous dire à quel point cette équipe elle dégage des choses vraiment négatives. Donc toxique. Ouais, c'est ça, c'est toxique, c'est de l'incompréhension. Et le problème, c'est que quand une équipe n'arrive pas à comprendre, et ça veut dire qu'elle ne se remet pas en cause non plus. Donc si elle ne se remet pas en cause pour n'importe quel pilote qu'on a pu voir aux côtés de Verstappen depuis 2019, c'est pas en 2026 que ça va changer, malheureusement. Non. Le seul salut de cette équipe, c'est de reprendre un grand coup d'air frais en se passant de Max Verstappen le jour où il aura décidé ou d'aller ailleurs, ou de faire carrière ailleurs qu'en F1. Je pense qu'il n'y a que à ce moment-là où tout le monde pourra dire Voilà. On remet toutes les bases à zéro et on reconstruit une équipe basée autour de deux pilotes. Là, je pense qu'ils sont allés tellement loin dans leur schéma et dans Ouais. leur. Voilà, c'est jusqu'au boutiste, qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, en tout cas Paradoxalement, c'est ça pas en à court fait. terme. Paradoxalement, l'équipe dépend de Verstappen, mais ce qui lui fera du bien, c'est le jour où il partira. C'est ça. John Smith demande, Tsunoda risque de se retrouver sans baquet l'année prochaine, Oui. clairement. Il y a un scénario pour lui où il se retrouve avec deux choix, parce que Stroll est parti et que Verstappen part aussi de chez Red Bull. Et il se retrouve avec deux possibilités, soit de rester chez Red Bull, soit, parce que il y a aussi cette possibilité-là, que Red Bull veut garder une continuité, soit que Aston l'appelle puisqu'ils auront le moteur Honda. Et il y a aussi la possibilité où personne n'a de place pour lui. Et ça, malheureusement, ce serait assez terrible. Après, je me dis si Lawson se fait virer et que Hadjar passe sur Red Bull, ils vont peut-être remettre Tsunoda dans une deuxième équipe malgré tout. Parce qu'ils auront besoin d'un pilote un peu d'expérience. Et s'ils mettent Lindblad à côté, il faudra quelqu'un qui assure un peu à côté, quoi. Je vois pas Tsunoda refaire une sixième saison du coup chez Racing Bulls. Ouais. Ça me paraît compliqué. Moi aussi. Mais c'est pas. Après, ce qui est compliqué n'est pas forcément inévitable. Enfin, Non, non, c'est tout à fait. non. Chez. Mais le problème, c'est bien qu'on réfléchit pas comme eux, donc. Oui, ouais, je suis pas mécontent. Ils réfléchissent comme nous après coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Je parle de Tsunoda notamment. C'est ça. Tu verras que quand ils comprendront que c'était Verstappen le problème. Ah bah Alors, ça. c'est la solution et le problème en même temps. C'est Ah ça, ouais, bah qui est oui. fou. Il y a à la fois la solution et le problème. Ouais. C'est que ce sera plus dans plusieurs années peut-être. Donc, mais peut-être qu'ils le savent eux-mêmes et qu'ils peuvent. Mais ils sont pris à leur propre piège. Ils se sont Mais enfermés dans leur propre piège. Ouais, ouais. c'est ça. Moi, je reste convaincu quand même que Red Bull aurait plus de points au classement constructeur aujourd'hui si elle n'avait pas Verstappen avec deux pilotes corrects que si Verstappen avec un pilote complètement effacé à côté de lui. Mais ça après, c'est un avis personnel. John Smith dit en fait chez Red Bull, il regarde les rediffs de Grand Prix, mais 6 mois après. C'est ça. C'est peut-être ça, ouais. Ils sont en train de finir à Abu Dhabi 2024 et puis ils vont passer à Melbourne après. Bah écoute, on pourrait pas mettre dans Abu Dhabi 2025 là dans la boîte? On leur envoie maintenant? On peut tenter, ce serait marrant ça de faire un Grand Prix avant, tu vois, pour tenter C'est ça, de. ça pourrait être très marrant. Ouais, je vous préviens, je suis un chapitre sur Verstappen qui a accroché quelqu'un. Oh, ah oui, ça pourrait être très ludique ça, avec tout le monde dans le chat qui nous propose des scénarios. Ça pourrait être Ça extrêmement pourrait être drôle. marrant, ouais. Un Grand Prix retour à le futur. Merci Joki qui a pris un abonnement, son 12e mois d'abonnement, tu nous soutiens depuis un moment, merci beaucoup. Qui est le manager de Yuki? Bah, Yuki, il est co-managé par Red Bull et par. Enfin, maintenant, il s'est éloigné de Oui, Red il Bull est. justement, Oui. mais avant, il C'est était éloigné. co-managé. Et là, il a sa propre structure, parce que justement, je pense qu'il a senti un petit peu Il prépare la suite, il sent le vent Ouais, tourner. c'est ça. C'est ça, c'est ça. En parlant d'équipe dans laquelle pourrait aller Verstappen, on va parler d'Alpine. Je plaisante évidemment, mais ça a été, on va en reparler, ça a été un peu un sujet de discussion ce week-end. Alpine qui marque 4 points avec Pierre Gasly, qui termine 8e. Franco Colapinto termine 15e après un week-end, ma foi, encore un peu difficile. Hein. C'est pas non plus la folie côté Colapinto. Bah Gasly est clairement en train de devenir l'assurance vie d'Alpine, hein, comme on pouvait l'imaginer. Ce qui ne veut pas dire que lui-même a une assurance vie auprès d'Alpine, parce que ça n'a jamais empêché Flavio Briatore de virer un pilote. Mais effectivement, c'est très très bien ce que fait Gasly. La voiture marchait mieux que les courses d'avant. Week-end très compliqué, parce qu'en EL3, ils étaient 16 et 17. Et en fait, il a dit que. Ils ont fait des réglages un peu poussés en EL3 qui n'étaient pas bons, qui sont revenus en arrière. Il a fait une Q3 en qualif. Donc bien joué à lui pour avoir parfaitement orchestré ce feeling avec la voiture et puis avoir su où aller dans les réglages. On sait qu'il y a des pilotes qui s'y perdent, donc bravo à lui. Et puis voilà, après on parlera un petit peu après de Colapinto, mais déjà Gasly, alors on sait qu'il a fait Q3 avec Hadjar. Ils ont regardé le match du PSG tous les deux le samedi et ils ont fait des points tous les deux, donc C'est ils étaient ça. contents. Et en plus ils ont fait une belle bataille en piste. Hadjar lui a fait un extérieur assez impressionnant, mais comme a dit d'ailleurs Hadjar, c'est toujours un plaisir de se battre contre Pierre, parce que c'est vrai que Gasly est très propre en piste. Donc quoi, il n'est pas allé à l'école Red Bull assez longtemps, j'imagine. Et oh, un peu un petit tacle comme ça. Mais voilà, en tout cas, d'un très content pour Gasly. Je sais pas ce que tu penses de sa saison, mais globalement, c'est quand même l'assurance vie pour moi d'Alpine. Ah oui, non mais il y a rien à dire sur les courses de Pierre, en tout cas en ce début de saison. Quand la voiture est là et que les réglages sont là, il est au rendez-vous. Et d'ailleurs, sur un circuit comme Barcelone, du coup, ça permet aussi de se dire ouais c'est quand même bien parce qu'il faut comme faut comme faut comme la pousser la 525 et puis il faut un moteur aussi pour ça et quand on a besoin de mettre de l'appui sur un ce genre de circuit que le moteur il suit pas c'est que ça va pas mais là on voit quand même que c'est plutôt bien équilibré donc après c'est une question de réglage évidemment. Puisque tu l'as dit, en EL3, ils étaient nulle part. Ils se sont redressés en Q, donc en qualification, pardon. Et ça marche. Donc, ce qui prouve que ce peloton est tellement serré que, voilà, c'est un peu d'ailleurs je reviens juste là-dessus, c'est un peu le secret d'espoir de Vasseur, c'est que, voilà, de retrouver un peu cet opérationnel au niveau des réglages qu'ils avaient eu en 2024 pour reprogresser. Mais c'est un peu ce que Alpine est en train de découvrir aussi. C'est que voilà, pour optimiser, on peut optimiser quelque chose qui existe déjà en trouvant les bons réglages. Ça n'ira pas jouer pour autant un podium, soyons clairs, mais ça permet de jouer les derniers points que les top teams ne prennent pas dans le top 10. Donc super, super week-end de Pierre. Je passe directement sur Kola Pinto avant qu'on ouvre le chapitre Briatore un petit peu. notre divertissement de la semaine. C'est ça. Oui, et Colapinto, je voulais juste préciser qu'il a eu donc un problème de boîte de vitesse en Q1 qui l'a empêché de faire sa dernière tentative quand même. Tout à fait, et était quand même assez loin. Autant à Monaco, je l'ai senti sur la réserve parce que les rails, il avait tapé à Imola. Et bon, il se prenait quand même une petite valise par Gasly. Autant sur un circuit comme Barcelone, on n'est pas quand même censé être aussi loin. Alors on essayait, mais il se prenait quand même une bonne valise. Je crois que c'était presque une seconde à un moment, si tu me détrompes pas. Oui, oui, il y a toujours ce problème où c'est un peu comme à Monaco, il était à distance de Gasly, parce que Gasly était des leaders. Donc c'était 7 dixièmes et 7 dixièmes. C'est ça, donc voilà, donc c'est quand même énorme sur un circuit comme Barcelone. Il n'y a pas de rail voilà, qui borde le mur, qui vous force à rouler à 99,9% plutôt que 100,1%, pour schématiser. C'est un peu un week-end un peu compliqué, et d'ailleurs il a commencé à sentir le vent de Briatore, en disant il doit être plus investi, plus performant, et éviter les murs. Bon, éviter les murs, ça va, ça c'était jouable à Barcelone, mais la pression elle est là, et elle est pas pour Briatore, qui a investi quand même 20 millions de dollars, quand même, sur à peu près la somme qui circule en tout cas dans les paddocks, 20 millions de dollars sur lui, c'est une somme qui est pour lui, clairement Briatore c'est un comptable, hein, aussi, enfin, c'est une somme qui est rentabilisée. Donc je pense que tant qu'il n'aura pas récupéré de la part des sponsors argentins ces 20 millions, pour lui cette opération elle sera négative. Ouais. Si par contre Colapinto ne fait pas l'affaire mais qu'il est rentré dans ses frais, je vais schématiser, je pense qu'il n'hésitera pas une seule seconde à le dégager. Il est comme ça, Briatore. Donc voilà, on souhaite pas évidemment de mal à Colapinto, même s'il a pris la place de Jack Doohan derrière. Il va quand même falloir pour lui qu'il tienne. Donc je sais pas. Il dit toujours qu'il a pas dit qu'il y avait 5 courses ou voilà, alors que le communiqué le faisait dire exactement ça. Pour moi, les 5 courses elles sont là parce qu'il chope peut-être 1 million ou 2 millions, je sais pas combien, 3 millions par course. S'il peut en choper un petit peu plus histoire de ralentir la histoire de ralentir la douleur, je pense qu'il sera, il n'hésitera pas à le faire. Ça c'est sûr, mais c'est vrai que il y a quand même une gestion des pilotes qui est vraiment catastrophique, et comme dit Nodeka, il demande à Colapinto d'éviter les murs. Pourtant, il était un peu plus souple là-dessus il y a pendant un moment. Donc c'est vrai que c'est assez terrible. Mais moi, je suis effectivement, je pense qu'il veut rentrer dans ses frais, et je pense que quand tu dis je schématise, à mon avis, tu ne schématises pas. C'est précisément sa façon de voir les choses. Le jour où Colapinto aura ramené l'argent qu'il a ramené, et le jour où Briatore aura pris sa part sur le fameux sponsoring, il passera au pilote payant suivant. Et moi, je maintiens à Sergio Pérez. Et je trouve que Briatore est vraiment... Et ça m'énerve en fait de voir que personne dans les médias qui pose des questions à Briatore ne s'attarde plus sur le fait de lui donner tort en lui rappelant que c'est un communiqué de presse de son équipe. Parce que là, il continue à dire oui, non, mais j'ai jamais dit 5 courses, machin, on n'a jamais parlé de ça. Et je comprends pas ces médias qui sont sur place qui ne le titillent pas jusqu'au bout en ne disant pas, mais si, c'est vous qui l'avez dit, le communiqué de presse de l'équipe dans lequel vous étiez cité a parlé de 5 courses. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une déclaration de Briatore dans un communiqué de presse d'Alpine. Je dis, il n'y a pas plus officiel que ça, tu peux pas derrière dire, je ne sais pas d'où ça sort. C'est vraiment, enfin, C'est sachant qu'en plus Briatore fait la stratégie, la presse, la bouffe et tout ça chez Alpine, il doit bien être au courant de ce qui se passe dans le département communication. Donc, et je comprends pas que personne lui mette le nez là-dedans en lui disant c'est vous qui l'avez dit dans ce communiqué de presse. Ouais, j'aurais presque dire que non, c'est le cadet des soucis, parce que dans les autres déclarations que dont on a eu droit, c'est quand même est-ce que Pierre Gasly c'est un potentiel champion du monde? Il évite la question, clairement. Ouais. Il doit être concentré, il doit faire mieux, ça dépend de la voiture. Alors, jamais il dit. Jamais, alors qu'il en pense du bien quand même, hein, de Pierre. Hein, mais il ne dira pas de, voilà, qu'il est potentiel champion du monde. De là ensuite à dire, voilà, bah, en 2026, j'ai envie de viser des podiums et des victoires et commencer à jouer le titre en 2027. Et quand on lui dit pourquoi vous pensez à ça, parce qu'on a le droit de rêver. Waouh, alors ouais, ça, là c'est vraiment le... Là, c'est l'argument que. Voilà. Les fans d'Alpine, ça fait de Renault, je remonte plus haut, ça fait des années qu'on leur serine des fausses promesses, ouais, et du rêve et tout ça, pour leur dire là texto, on a le droit de rêver. Waouh. C'est le mot moi qui m'a vraiment choqué. En fait, t'imagines si Abitbull avait dit ça en 2020, c'est ce qui serait pris dans la gueule en fait, et ne serait-ce que par ses dirigeants. T'imagines si Fred Vasseur disait ça aujourd'hui? Enfin, je veux dire, c'est au bout d'un moment, parce que Ferrari à la française, c'est bien mignon, mais là pour l'instant, et là ils ont le droit de rêver pour le coup, parce qu'on en est loin. Et franchement, je suis choqué qu'il n'y ait pas plus de scandale autour de cette équipe et que personne vienne dire, mais là les propos de Briatore, ça mérite un licenciement en fait. Il peut pas faire ça. Et alors, on va continuer avec lui, mais quand je vois que sa seule déclaration, c'est de dire de toute façon, les pilotes coûtent trop cher à l'équipe et il faudrait inclure leur salaire dans le plafond budgétaire, et qu'ensuite il parle de que lui de toute façon s'il pouvait faire le recrutement idéal ce serait Verstappen, mais t'es là, mais enfin oui, là pour le coup t'as encore le droit de rêver une fois, quoi, ouais, parce que... et là je glisse un petit mot spécial pour Canal+, parce que je sais que Julien Febro écoute nos replays, nos podcasts, à Canal+ aussi, d'aller faire son boulot et d'être un peu moins, de brosser un peu moins Briatore dans le sens du poil et aller un peu plus à la confrontation dans les interviews. Ouais, je suis persuadé qu'ils seront personne en plus, mais c'est ça. Donc là clairement Canal+, si vous pouviez faire votre boulot d'aller voilà, parce que c'était bien beau de fêter les 1 an de Briatore, conseiller exécutif d'Alpine à Barcelone, mais sérieusement, faites votre boulot chez Canal et allez aussi peut-être interroger d'autres personnes et confronter un peu aussi Briatore à ses, ouais, voilà, à ses contradictions et à ce qu'il dit, parce que franchement c'est pas du management, c'est du n'importe quoi. C'est clairement c'est du management, alors peut-être qu'en interne c'est carrément autre chose, c'est une poigne de fer et tout ça, et tout ce que vous voulez. En termes d'image donnée en public, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ce livre dit qu'il faudrait faire revenir Abitbull pour qu'il puisse virer Briatore une deuxième fois. c'est pas faux. Mais en fait, ouais, moi je trouve ça c'est totalement catastrophique. Et ouais, et franchement, vu la puissance de certains médias, n'hésitez pas à leur rentrer dedans. Hein, de toute façon, moi, je veux dire, des questions qui dérangent. Au pire, ils botteront en touche de manière un peu, comme on dit, maladroite. Et ça montrera juste que le média a raison et qu'ils ont tort. Et que ce soit Canal ou un autre. Hein, mais bon, c'est vrai que Canal, voilà, on a envie de Canal. Parce qu'ils sont Canal, c'est vraiment les seuls à vraiment les brosser sans du poil. Dans les conférences de presse et autres, côté britannique, ça va quand même un peu plus loin dans les questions. Plus ardu. Là, franchement, je trouve, moi, côté Canal+, ça brosse un peu trop dans le sens du poil. Ouais, et je comprends. J'ai pas vu. Après, il y a des budgets. Hein. Alpine sponsorise la F1. Il y a de la pub, il y a tout ce que tu veux derrière aussi. Donc, je comprends aussi Mais entre brosser totalement dans le sens du poil et aller poser quelques questions qui te dérangent un peu plus, il y a un juste milieu à trouver, je pense. Ouais, et je reste persuadé que, de toute façon, personne ne fait assez cas du CV de Fabio Briatore en Formule 1. Parce que au final, le CV de Briatore en Formule 1 est quand même catastrophique et tout le monde fait comme si c'était totalement normal d'avoir une saloperie comme lui à la tête d'une équipe. Et pardon, je suis désolé, mais pour moi, ce mec-là n'a pas du tout, ne devrait pas être là où il en est, ne devrait pas avoir la puissance qu'il a quand on voit ce qu'il a fait en Formule 1. Parce qu'encore une fois, le crash gate, c'est quand même quelque chose qui est impardonnable et c'est bien dommage. Mais effectivement, alors Montagny est parfois critique, il met les pieds dans le plat, oui, mais... C'est pas Montagny qui vous interview, c'est Dupin, ou c'est Febro, ouais, ou Sénécal, des fois. ou Pauline Sanzet, mais c'est pas Montagny. Bon, des fois, il assiste aux interviews. En général, il est plutôt là avec Vasseur. Non, Montagny, je pense que s'il peut mettre un tacle à Briatore, il le fera, vu comme il a été traité par le Briatore en question. Donc, mais lui, il n'a pas accès à tout ça. Il n'est pas à ce point-là. C'est pas. Donc, en tout cas, c'est un peu triste de voir tout ça, de voir toujours ces non-dits autour de Briatore chez Alpine. Et puis, en fait, on sait très bien que voilà, il a dégagé Douane parce que soi-disant c'était un énorme problème, mais au final, le problème qui était Douane, on voit qu'il se répercute chez Colapinto pour l'instant. Alors certes, il a fait que 3 courses, mais bon, Douane n'en avait pas fait beaucoup plus, hein, pas se leurrer. Douane à sa 3e course, il fait une énorme connerie à Suzuka, mais après, derrière, il était déjà fini quasiment pour Briatore. Douane, maintenant, il est pilote de réserve chez Alpine, il est toujours dans le pool, en fait, ils ont juste inversé 2 pilotes, donc ils ont même pas exclu qu'ils reprennent le volant à la fin de saison. Bon, j'y crois pas trop, mais il laisse une porte ouverte là-dessus, donc voilà. Voilà. Pour Alpine, en tout cas, et du coup, malgré les 4 points, ils perdent une place et sont bon dernier au classement du championnat, puisque Sauber a décollé devant eux. Et ils sont juste rapprochés de Aston Martin, qui, malgré les 2 points, donc voilà, les trois dernières équipes du classement ont marqué des points, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, c'est assez rare pour être souligné. Et surtout sur un circuit comme Barcelone, qui en général fige pas mal de positions. Oui, c'est ça. Donc, c'est un circuit très technique, en général, ça marche par paire, mais là... Ouais, ça fait partie normalement ces circuits où on s'attend à un résultat dans la hiérarchie, et là c'est un peu différent. Bon, la safety car, là, un petit peu... C'est vrai que la safety car, on la voit pas tous les jours non plus à Barcelone. Ça joue un petit peu, hein, soyons clairs. Mais bon, pour moi, ça nous a permis un peu de diversité à l'arrivée. Si Colapinto dégage, qui la remplace? Ça, c'est la question à 100 000 francs, comme on dit. Non, ce serait peut-être Paul Aron, hein, ce serait le choix logique s'il faut encore une rotation. Après, si Briatore cherche un pilote avec de l'argent, ça peut être largement Sergio Pérez. Hein, moi, je suis pas j'exclus pas de le voir venir, même pour une pige. Mick Schumacher. Alors, Mick Schumacher, je crois que ça a été... Il n'a pas voulu en parler. Il a botté en touche d'une manière ultra-violente, Briatore. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a un truc pour... Mais je crois que J'ai pas envie de répondre à cette question. C'est sa réponse. Voilà. Oui, parce qu'en plus, quand il va en conférence de presse de la FIA, il est de très mauvaise volonté. Hein. Oui, c'est ça. C'est la conférence. Et des réponses très floues en plus. Même Horner a dit je suis très content de le côté un peu joyeux que tu apportes, mais j'ai rien compris à ce que tu as dit. Ouais. À un moment, il a voulu prendre Horner à témoin et Horner a dit je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est clair. Et pourtant, Horner, c'est un bullshitter professionnel. Normalement, il est censé suivre ce genre de choses. Mais là, pas du tout. Il a le droit d'être en conférence de presse. Oui, Thierry, absolument. Puisque c'est des représentants de l'équipe, c'est pas forcément le team principal qui a appelé. Donc, il a le droit d'y être, absolument. Oui, ça peut être n'importe qui d'une équipe qui peut... D'ailleurs, des fois, on entend des directeurs techniques, hein, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Donc, non, n'importe qui de l'équipe peut être envoyé en conférence de presse. C'est ça. Des fois, il y a des thèmes, donc... je sais qu'à un moment, quand ça parlait beaucoup de technique, quand il y avait des changements de réglementation, on avait 6 directeurs techniques, voilà, qui... Alors, il y avait 6 patrons d'équipe ou directeurs là, qui y allaient. C'était en 2x3, là, ils ont allégé un petit peu les formats, c'est plus que 3 représentants d'équipe qui sont conviés le vendredi, mais la conférence du vendredi est toujours retranscrite quasiment en intégralité sur le site le vendredi soir, le vendredi à chaud souvent, ensuite le vendredi soir et le samedi, selon les sujets qui... voilà, parce que le problème c'est que si on passe tout de suite, bah, après vous n'avez plus rien à dire sur la journée, mais ça, il y a quand même des passages, des choses très intéressantes, donc on sait que c'est quand même plutôt bien lu, donc tant mieux. Complètement. Alors, on va maintenant parler d'un jeune pilote qui a marqué ses premiers points ce week-end. Non, je sais que... On va parler de Fernando Alonso qui a marqué ses premiers points de la saison, pardon. J'ai eu le retour de karma pour avoir été pas gentil avec lui. Ouais, c'est ça. Pourtant, t'es en vert aujourd'hui. Oui, en plus. Mais bon, ça ne suffit pas. Non, plus sérieusement, très content pour Fernando Alonso qui enfin débloque ce compteur de points qui était désespérément resté à zéro depuis le début de saison pendant les 8 premières courses. Non, je me gratte pas le dos, c'est juste que j'ai chaud et du coup je pousse un peu mon t-shirt. mais j'ai pas du tout, je me gratte pas le dos. Tout va bien. Non, c'est que je remets mon t-shirt parce qu'il tient vite chaud. Donc un très bon week-end de Fernando Alonso hein, qui montre que les progrès sont là chez Aston Martin. Les packages qu'on avait vus déjà à Imola fonctionnaient mieux. Et à Monaco fonctionnait mieux, bah fonctionne encore mieux, encore bien en Espagne. Alors déjà, je te fais commenter toi le week-end d'Alonso, ses premiers points et tout, avant de parler, avant de passer au sujet suivant, puisque ce sera Lance Stroll, c'est un peu plus complexe. Oui, on va pas trop se tarder. Voilà, Bah déjà, ça fait plaisir qu'il marque ses premiers points de la saison chez lui, en Espagne. C'est bien, parce qu'il y a quand même deux Espagnols sur la grille, il y a quand même un des deux dans les points. Donc ça, c'est quand même assez cool pour ses fans, voilà, qui attendaient un petit peu ça avec pas une certaine impatience, parce qu'ils savent très bien qu'il joue pas le podium plus que ça, mais bon, comme ça faisait un peu mal au cœur de le voir avec 0 points, alors que Lance Stroll à côté en avait déjà quand même plus d'une dizaine, je crois qu'il est quoi, 14, je sais pas comment exactement, c'est ça, 14 points. Donc voilà, c'est fait, le compteur est débloqué, on va arrêter de le dire, voilà, c'est son pire début de saison, ça commence à être son pire début de saison depuis ses tout débuts, hein, c'est Minardi en 2001. Là, s'il n'avait pas marqué là, ouais, c'était c'est plus 2001, ouais. C'est ça, donc puisque là c'était le. On a remonté juste à la catastrophe qui était McLaren Honda en 2015. Oui. Donc voilà, c'est quand même bien. Et puis voilà, comme tu l'as dit, la voiture, bah ça y est, ça progresse en termes d'évolution. Adrien Newey s'en occupe entre la viande, entre le fromage et le dessert quand il a le temps à la cantine. Il a peut-être plus aussi de bonnes idées voilà Monaco, parce qu'il avait quand même son petit carnet de notes aussi. Il a peut-être aussi vu des choses qu'il a pu insuffler à l'équipe. Ça restera forcément à la marge, hein, clairement. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Quand vous n'avez pas construit la voiture, c'est très difficile de donner des pistes. Mais quand on voit l'opérationnel en cours dans le garage et que vous voyez les résultats que ça a sur les performances de la voiture dans l'ordre des briefings, vous dire ah là vous n'avez peut-être pas pensé à ça ou à ça ou faire ci ou faire ça. Et peut-être que de ce côté-là, il y a une plus-value intéressante à Monaco qui fait que ça pourra jouer pour la suite. Mais non, c'est pas ça qui va révolutionner non plus la saison de Aston Martin. Ces évolutions-là, elles ont été prévues dès les essais hivernaux et Newey n'était pas encore là. Donc c'est clairement à mettre au crédit de l'équipe technique en place. Donc tant mieux s'ils repartent enfin dans le bon sens côté technique, parce que c'est quand même la base de ce qui doit être la candidature à un titre pilote et constructeur à partir de 2026. Donc voilà, faut pas oublier ça. On ne veut pas être une équipe de milieu de plateau en 2026 chez Aston Martin. On veut directement attaquer dans le vif du sujet par les gros résultats. Donc voilà, ça sera de ce côté-là, c'est quelque chose. Voilà, sinon j'ai pas grand chose de plus à dire. Sauf que bon, Alonso, c'est quand même plein de quelques petits trucs techniques aussi. Il y a un article qui sortira demain que tu as préparé d'ailleurs. Je sais pas si tu as envie d'en parler un peu, ou on leur laissera la primeur de lire ça demain matin sur le site. Mais on fait du teasing. Non, non, teasing un petit peu. Effectivement, voilà. Il détaille un petit peu le. Ce qu'il y a encore à régler chez Aston et comment dans genre teasing, juste je reviens un petit peu en arrière, dans le genre teasing, Briatore a dit qu'il aurait bien aimé avoir Verstappen dans son équipe. La réponse de Verstappen sera demain sur le site. Ouais, parce que Verstappen a répondu à Briatore. Évidemment. Voilà. Donc, petit teasing pour demain. Voilà. mais oui, l'article sur Alonso sera assez intéressant aussi, parce qu'il explique un peu plus les tenants aboutissants des progrès et ce qui reste encore à faire chez Aston. C'est vrai que bon. Tout n'est pas réglé, mais voilà, c'est quand même des motifs de satisfaction. Satisfaction. Du tasing sur Lance. Alors non, par contre, on va évidemment... Marx, il aurait mérité pour le maîtriser, mais bon, ça c'est autre chose. On va évidemment parler de Lance Stroll, parce que, alors... Vas-y, là on va commencer par le commencement. Il a fait un début de week-end qui était un peu compliqué, comme pas mal de ses débuts de week-end malheureusement, et... Il a fait une qualif un peu difficile et a pris encore une demi-seconde par Alonso. Et coup de théâtre, samedi soir, aux alentours de 23h je crois, on a appris que... 22h20. Ah oui, on a appris qu'il allait déclarer forfait pour le reste du week-end et qu'il allait, à cause d'une blessure non mal guérie, il allait se concentrer sur sa convalescence, ce qui sous-entend qu'il y aura des absences plus ou moins indéfinies pour l'instant. Alors déjà, moi je ne suis pas étonné du tout, parce que quand en 2023 il s'est pété les deux poignets et que deux semaines plus tard il pilotait, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un peu tôt. Et à sa décharge, il avait fait un excellent début de saison par rapport à sa condition physique. Il faut oublier qu'il joue les top 5 à ce moment-là avec la voiture. Et ça explique un peu plus la valise qui s'est prise à Monaco, pour moi, parce que je pense qu'il est effectivement en grande souffrance. Alors je sais que c'est facile de taper sur Lance Stroll et de dire que... qu'il est mauvais et tout ça, mais je pense qu'il n'y a rien qui explique la catastrophe de sa qualif à Monaco à part ça. Et je pense que c'est ça qu'effectivement il est allé jusqu'au bout et que là il pouvait plus aller plus loin. J'ai vu maintenant des théories du complot qui disent que il était. Alors il y a la théorie selon laquelle il s'est énervé. Ça c'est factuel. Il s'est énervé après sa qualif. Il a cassé des trucs dans le garage apparemment en mode. Insulté du monde de l'équipe. Voilà. Et l'équipe a dit qu'il n'y avait pas de lien avec sa blessure. Et il y a une théorie du complot, entre guillemets, comme quoi c'est juste un rage quit et qu'il a juste eu marre et qu'il a décidé d'arrêter après les qualifs. Moi, je pense, à titre personnel, que c'est plutôt quelque chose qui est inhérent aux sportifs de haut niveau, qui est qu'ils vont jusqu'au bout tout le temps. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est l'accès de colère et ce qu'il a fait aura pu l'abîmer les mains ou quoi? Ou est-ce que tu penses qu'il a juste effectivement dépassé ses limites physiques? Ce qui est étonnant moi, pour moi, c'est que ce problème survienne presque, c'est quoi, 2 ans maintenant, 2 ans après. Donc, on pensait qu'effectivement que le début de 2023 aurait pu être un petit peu douloureux. Finalement, ça n'a pas été le cas. Il passe tout 2024 comme ça. Et là, a priori, ça fait quand même quelques semaines, a priori, qu'il commençait de nouveau à souffrir. Donc, c'est un petit peu étonnant. Après, je ne suis pas médecin, spécialiste de santé et tout ça. Est-ce que ça peut revenir comme ça? Après trop d'efforts, donc de fait de manière un peu insidieuse sur le pilote, très possible. Maintenant, je le vois. Ça fait plusieurs semaines qu'il souffrait un peu en silence, sans d'ailleurs prévenir son équipe. En tout cas, c'est ce que dit Mike Crack. Hein, il dit que voilà, ils n'avaient pas eu de vent particulier, d'un souci qui aurait pu éclater du jour au lendemain là par rapport à ça. Mais bon, il a appris du coup après coup que ça faisait quelques semaines qu'il commençait à souffrir un petit peu. Je le vois pas moi fracasser des murs, des objets, enfin je sais pas ce qu'il a fait de manière volontaire, sachant qu'il a qu'il a mal aux mains. Donc quand vous avez mal à une main, vous évitez évidemment de lui mettre trop de stress, en tout cas plus de stress que nécessaire. Le coup de lier sa blessure qui se réouvre à cet accès de colère là, c'est non. Le rage quit, évidemment, je pense pas, même si tout le long de ce rôle qu'il est, quelque chose d'un peu soudain comme ça serait pas non plus totalement exclu, hein, mais je le vois pas en tout cas faire ce genre de choses là. Quelque chose l'a clairement énervé. Quoi? Personne n'a la réponse, en tout cas pour l'instant, ou personne ne veut la donner. N'oublions pas que c'est le fils du patron, donc même son directeur est un peu un sous-fifre quelque part. Donc ne va pas non plus expliquer de lui-même, je pense, là, ce qui s'est passé. Ça doit venir de lui. Ça va devoir venir de lui. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement il s'est mis en colère. Ça, le parole d'Aston Martin ne pouvait pas démentir puisque des images ont circulé. Et donc, c'est pas la première fois. Hein. On se rappelle qu'en fin d'année dernière, il avait déjà été un peu virulent avec son physio. C'est ça. Donc c'est compliqué. Mais là, qu'est-ce qu'il a mis dans cet état-là et pourquoi? Forcément quelque chose de technique, hein, puisque voilà, il va pas s'en prendre à l'équipe et à des membres de l'équipe. Si c'était une faute de pilotage de sa part. Donc c'est peut-être un réglage qu'on a voulu lui imposer, une stratégie de chauffe des pneus, quelque chose qu'il a, on commence peut-être à en avoir un petit peu marre qu'on lui impose des choses alors qu'il voulait peut-être faire autre chose aussi de ce côté-là. Donc c'est complexe. Maintenant il faut espérer, parce qu'on pense jamais à mal, faut espérer effectivement qu'il puisse se rétablir assez rapidement pour retrouver son baquet. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de F1 qui espèrent voir quelqu'un d'autre que Lance Stroll à la place de dans ce baquet-là. C'est vrai que ça libérerait un petit peu un baquet, on va dire, hérité du propriétaire. Mais je suis désolé, pour l'instant, Lance Stroll n'a pas démérité non plus dans son baquet. Il faut quand même rappeler qu'il est quand même plutôt dans les performances d'Alonso cette saison. Il a quand même marqué des points aussi. Plus que son équipier à date, hein, en tout cas. Bah oui. Mais voilà, c'est compliqué de commenter plus en fait que ça, parce que derrière c'est que de la spéculation et j'ai pas envie moi Next Gen Auto d'entretenir de la spéculation sur des choses dont on n'a pas les réponses. Ouais. Donc on peut lui céder que le meilleur pour se rétablir et puis bah, si une vérité doit sortir un jour ou l'autre, ça sera à lui de la donner ou son père ou quelqu'un qui pourra le faire. Je vais un peu faire de la supputation, mais ça va être quand même assez neutre. Déjà, Sobret and Delicate dit palier à la pesée. C'est possible que la pesée ratée est ajoutée à cet énervement global. Doko dit Rex Trollien, c'est jamais sa faute. Si, il a déjà assumé des fautes. Il a du mal à expliquer les fautes qu'il fait, mais il est jamais bavard en fait. Enfin, nous, on vous le dit souvent, le matériau d'interview de Stroll après les séances, c'est très très rarement au-dessus de 40 secondes, et souvent c'est 25 secondes d'intervieweur et 15 secondes de Lance Stroll. Donc c'est voilà, on sait qu'il est comme ça, mais il a jamais s'il y a des fautes qu'il a assumées. Moi je pense que c'est un sportif de haut niveau, donc comme tous les sportifs de haut niveau, je veux dire, c'est pas le premier qui s'aggrave une blessure au bout de 2 ans. On le voit très souvent dans d'autres sports, on le voit moins souvent en F1, c'est vrai, mais parce que les mecs ont souvent des blessures qui sont pas forcément liées à ce qu'ils bossent le plus chez eux. Je pense à Alonso qui s'était pété la mâchoire ou ce genre de choses, il avait souffert au début, mais c'est pas son métier qui est de conduire, ne l'empêchait pas de soigner sa mâchoire. Là, c'est ses poignets. Un pilote de F1, les poignets, c'est quand même quelque chose qui est vraiment soumis à rude épreuve. Je pense que Lance Stroll est allé au bout de son effort. Il a essayé de faire fi du truc parce que je pense qu'il n'avait pas envie qu'on lui rajoute en plus sur le dos des nombreuses choses qu'on lui met sur le dos. Le fait qu'il soit pas motivé et qu'il lâche à faire dès qu'il a mal et tout ça. Donc, je pense qu'il a essayé d'aller au maximum. Et je pense que, et là je reviens à ma critique que je fais souvent, ce calendrier de la Formule 1 n'est pas tenable pour les pilotes et leur santé. C'est-à-dire que quand on demande à un pilote, on dit pourquoi ces dernières semaines. Mais pourquoi ces dernières semaines? Parce que on a fait 9 Grands Prix en 12 semaines, que avant la pause de Miami, donc on a eu, je vous rappelle, on a eu un double header, une semaine de pause, un triple, une semaine de pause, un seul Grand Prix tout seul par miracle, une semaine de pause, là où les journalistes de la F1 ont dit ouais, c'est les vacances, et ensuite on a eu un triple. Là, on a une pause. Là, c'est vacances d'ailleurs ce week-end. Bah oui, c'est vacances. Là, on n'a rien ce week-end. Après, un grand prix et encore rien le week-end d'après. C'est incroyable. Sauf que je pense qu'au bout d'un moment. Mais oui, calendrier MotoGP, j'en pense pas moins que Zohan. De toute façon, il est débile aussi le calendrier MotoGP. En plus, ils ont des... Mais c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de blessés en MotoGP, plus que les années d'avant. Et encore une fois, un Rory Martin qui se reblesse, c'est exactement le même problème. Les mecs reviennent trop vite parce qu'ils essaient de ne pas rater de course et on en revient au même problème. Là, je suis désolé, si un pilote se blesse dans l'hiver, on a un hiver qui va durer un mois et demi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la saison se termine début décembre et que fin janvier, ça risque de rouler avec les nouvelles voitures. Croyez pas que si un pilote se blesse cet hiver en entraînement, il sera quand même là en fin janvier pour essayer de ne pas rater quoi que ce soit, sauf qu'il va sûrement aggraver sa blessure. Et moi, un Lance Stroll qui se pète les deux poignets et qui, 2 semaines après, est au volant pour faire un week-end de Grand Prix, eh ben, je suis désolé. À l'époque, j'avais dit qu'il était revenu très vite et je maintiens qu'il est revenu trop vite. Et oui, les burn-out, c'est pareil. Les burn-out, on n'y est pas loin. Il y a des pilotes qui sont quand même au bout du rouleau. Je veux dire, un Ricciardo qui était au bord des larmes Baku 2022, je crois. Faut pas se leurrer. C'est pas que parce que la voiture n'allait pas bien. Je pense qu'il était au bout du rouleau parce que quand tu as des mauvais week-end et que tu les enchaînes toutes les semaines 24 fois par an, bah ouais, je crois que ça a de quoi abîmer les pilotes. Et là, bah, c'est abîmé physiquement, et je pense que Lance Stroll, il est arrivé samedi soir, et effectivement, je pense qu'il était à bout de ce qu'il a pu faire. Donc non, moi, je pense pas qu'il faille penser qu'il a pris une mauvaise décision, qu'il s'est énervé ou je sais pas quoi. Je pense juste que Lance Stroll a fait tout ce qu'il a pu, mais que là, le calendrier de la F1, littéralement, a eu raison de lui. Et voilà, et encore une fois, des blessures aux deux poignets pour un pilote de Formule 1. Imaginez un petit peu les efforts qui sont demandés aux poignets des pilotes de Formule 1. On parle de gens qui prennent des virages à 280 km/h en se prenant 5G et qui ne bronchent pas et qui sont entraînés pour ça. Mais quand tu as des fractures mal soignées, on voit déjà les gens lambda comme nous, quand on soigne mal quelque chose, on peut en chier juste en marchant, juste en portant un truc ou quoi, et bêtement. Mais là, c'est des gens qui mettent leur physique à rude épreuve. Donc c'est normal pour moi qu'il y ait des conséquences à des blessures qui sont mal soignées. Non, la question aussi, c'est qui va le remplacer si jamais il faut le remplacer. Ah, alors ça, c'est une autre question, effectivement. Drugovic a dit aujourd'hui que s'il y a une opportunité de rouler au Canada, il le ferait, même s'il est censé rouler pour Cadillac Oman. Voilà, donc il a annoncé. Voilà, clairement, donc je pense qu'il n'y aura pas trop le choix. Non. Certains voyaient Jack Crawford aussi, mais bon, je ne suis pas certain que... L'avantage de Drugovic, c'est qu'il connaît l'équipe, il a déjà roulé avec en essai, c'est des journées complètes. Et il est, c'est un excellent pilote, Drugovic. Moi, je suis pas là. Enfin, je pense qu'il fera pas, il sera pas ridicule. Après, il y avait aussi l'option si Drugovic voulait maintenir sa participation au Mans ou qu'il était coincé par son contrat. Pour moi, c'était Bottas qui y allait parce que Van Dorn est aussi au Mans. Donc, il restait par vase communicant des pilotes de réserve Mercedes. Il restait Bottas. Mais bon, Drugovic a dit si je suis appelé, j'y vais. Donc, je pense que c'est ça. Après, ça va être le choix d'Aston Martin aussi. Ils peuvent très bien décider de donner sa chance à quelqu'un d'autre, puisque de toute façon, ils vont pas jouer grand chose non plus. Je pense que sur une saison 2026 ou une voiture beaucoup plus compétitive, on choisit peut-être un peu mieux son réserviste, son remplaçant. Là, sur une saison où il n'y a pas grand chose à jouer, peut-être qu'on peut envie de donner sa chance à Crawford, qui ne roulera pas du coup en F2 ce week-end-là. Donc, ça peut être. Pas des possibilités. Après, j'ai une histoire de visa aussi, mais je pense que pour le Canada, ça va pas être trop compliqué. Et alors oui, Thierry demande, effectivement, c'est une question qui est revenue régulièrement. C'est normal qu'Aston n'ait eu personne dans ce cours à Barcelone. C'est pas qu'ils avaient personne, c'est qu'à partir du moment où un pilote fait les qualifs, il est obligé de faire la course avec. Et oui, c'est pour ça que, par exemple, Di Resta avait pu remplacer Massa à l'arrache pour Williams en Hongrie en 2017, je crois, parce que lui, Massa était malade aux essais libres 3. Comme Sainz l'an dernier quand Berman le remplace, ou comme Magnussen quand Berman le remplace aussi. D'ailleurs, c'est bien que tu l'évoques, parce que du coup, certains ont critiqué Lance Stroll de ne pas avoir jeté l'éponge avant la qualif pour son équipe, entre guillemets. Mais on en revient à ce que tu disais, c'est qu'un pilote, il va jusqu'au bout, il essaye, il tente, et puis c'est sa place, c'est sa voiture. Voilà. Je blâmerais pas. Et de toute façon, s'il avait jeté l'éponge vendredi, on l'aurait blâmé pour avoir jeté l'éponge, quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment. Là, il est allé au bout, on a vu qu'il était au bout parce qu'il était au bout moralement aussi. Et bah, finalement, c'est peut-être le moment de montrer que oui, les pilotes sont mis à rude épreuve. Et s'il avait juste dit vendredi soir, j'ai mal au poignet, il faut que je me fasse réopérer, je lâche l'affaire, et bah, peut-être que tout simplement, on aurait dit ouais, bah, il se fait pas trop chier, ça l'arrange bien. Voilà. Après, moi, j'ai une solution pour eux s'ils veulent pas avoir trop de logistique, et c'est de mettre Laurent Stroll dans sa voiture. Comme ça, tu peux laisser le même autocollant sur la voiture et le même carton en haut au-dessus des stands. Et ça, c'est vachement pratique. Stroll, ça passe, ouais. Bien sûr. Après, c'est je suis pas sûr qu'il rentre dans la F1. Hein. Il y a peut-être des aménagements à faire. Accessoirement, il n'était sûrement pas le talent de son fils. Peut-être qu'ils iraient demander à McLaren s'ils ont encore le châssis de Mansell 95 donc qu'ils avaient élargi. C'est pour un ami. C'est pour un ami. On le tronçonne, c'est juste au milieu, il tronçonne. t'as les trucs avec les. Pose des coudes. Ouais. Non, bah, ça sera ou Drugovic ou Crawford. Hein, mais Crawford, effectivement, n'a pas sa licence, hein, je crois. Ah. À Bottas, alors. Je crois qu'il n'a pas sa super licence. El Valtteri. Puis, pourquoi pas. Bon, oui, moi, je reste persuadé que Drugovic. En fait, on en revient toujours à. Parce que c'est fou quand même. Faire un Grand Prix de F1 ou Le Mans. Waouh. Ouais. Waouh, waouh. Moi, je sais pas ce que vous. Dans le chat, qu'est-ce que vous feriez, vous? Allez. La F1 ou Le Mans? Allez, un petit sondage rapide comme tout à l'heure, ça avait bien réagi. Alors moi, j'ai mon avis, mais après le chat, j'attends de voir un peu les réponses. Mais moi, j'ai un avis très clair. Alors beaucoup disent Le Mans. On a, ouais, bah oui, pareil. On a 3 ouais. F1 contre 8 Le Mans, je crois. C'est un peu plus. Sobright and Delicate disent que moi, j'aurais répondu F1 tous les jours. C'est-à-dire que un pilote comme Drugovic, des chances au Mans, il va en avoir 15, 20, parce que c'est un excellent pilote. C'est un pilote qui est tout juste à la limite de la F1, donc Le Mans il ira quand il veut. Une chance en F1, il en aura peut-être qu'une seule. Donc pour moi, la question dans le cas c'était est-ce que tu, si t'es à la place de Drugovic, tu choisirais la F1 ou Le Mans pour un week-end comme ça? Moi je dis. Ouais, j'aurais dit Le Mans aussi parce que je trouve que la magie du Mans elle est quand même assez, elle est quand même sympa, mais je crois pas que Cadillac soit très favori non plus cette année pour gagner, donc peut-être que la question elle est vite répondue comme on dit aussi. Et tu vois, Seven dit F1 dans la McLaren, oui, sinon non. Mais tu vois, je vais te dire ce que Mick Schumacher avait dit l'an dernier, parce que j'étais allé à Spa aux 6h, il y a une conférence de presse, et évidemment, à chaque fois, la question revient, Mick, est-ce que vous voulez piloter un F1, est-ce que vous préféreriez? Et la question suivante, c'est qu'est-ce qui est le plus amusant à piloter, une F1 ou un proto? Et il a dit, je vais vous répondre la même chose que tous les pilotes, il n'y a rien qui égale une Formule 1 en termes de pilotage. Et Aston, non, c'est pas une F2. Hein. Une F2, j'imagine bien que c'est une blague, mais rappelle-toi que une F2, c'est 14 secondes plus lent qu'une Aston. Hein, donc, et je pense, et je suis même convaincu, que tout pilote choisirait la F1. Parce que c'est des pilotes qui sont justement de réserve, ils n'ont pas la place de titulaire, et que des chances de faire un Grand Prix, ils n'en auront pas des milliers. Et voilà. Et oui, c'est vrai que ça a mal vieilli, comme dit Dr. Kenobi, mais De Vries a eu un baquet grâce à une seule course. Donc. Drugovic, il est un peu soutenu, il a un bon profil, et si jamais il fait un week-end de fou, parce que tout se ligne et tout clique, et bah peut-être que Helmut Marko va l'appeler et qui remplacera Hadjar quand Hadjar ira chez Red Bull. Après, le choix pourrait être aussi simplifié pour Drugovic si effectivement les nouvelles sont pas excellentes non plus pour Stroll, parce que pour l'instant, on sait pas qu'il manque une course pour l'instant. Le plan A, c'est d'avoir Stroll au Canada. Ça me semble un peu compromis, mais si Stroll doit manquer plusieurs grands prix, Aston doit aussi penser qu'à court terme. C'est-à-dire qu'il doit se dire, est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux par un Bottas qui est expérimenté, finalement, plus que Drugovic en tout cas, pour 3, 4, 5 courses peut-être. Que maintenant, Drugovic, effectivement, lui aussi, ben voilà, c'est un peu dommage, tu étais réserviste, tu as le droit. Donc choisir F1 ou Le Mans, ça serait même un peu plus insidieux que ça. C'est que si c'est plus qu'une course, à ce moment-là, F1 tous les jours, on est d'accord. Si c'est une seule course, je sais pas. Ouais, mais moi je pense que Aston va quand même donner sa chance à Drugovic quoi qu'il arrive, parce qu'on sait pas combien de temps ça durera. Et Bottas, il est important chez Mercedes actuellement, parce qu'il faut pas oublier qu'il sert aussi de coach à Antonelli et qu'il est réserviste pour Mercedes et McLaren, faut pas l'oublier non plus. Ouais. Et même pour Aston par extension. Et je pense que Aston a quand même dépensé de l'argent sur Drugovic aussi, il faut oublier. Donc je pense que s'ils peuvent le caser, ils le caseront, à mon avis. Possible. Bon. Oui, comme dit Sobret, c'est délicat. Sinon, Flavio a 25 pilotes de réserve. Si vraiment il y a besoin de pilotes, il doit pouvoir en prêter. On vous prête Colapinto pour 18,5 millions. Attendez, non, 18,63 millions. Je regarde juste. On vous le prête indéfiniment pour 20 millions. Ah oui, bah, s'ils prennent le Verstappen, comme ça j'ai directement mes 20 euros. J'y crois pas trop. Bottas voulait pas rester chez Merco l'an prochain. Bottas, je pense qu'il vise aussi un paquet chez Cadillac s'il le pouvait, mais je pense que rester chez Mercedes, ça lui plairait. Ouais. C'est ça, ouais. En fait, il a eu le go pour faire le programme 2026. Donc, ça veut aussi dire un petit peu ce que ça veut dire. C'est que s'il est OK pour faire le programme 2026, ça veut dire que ses chances chez Cadillac, elles sont pas terribles. Ouais, il n'aura pas, pas d'informations cruciales à les donner ailleurs. Ouais. C'est ça, exactement. Parce que quand même, vous parlez comme d'un pilote Mercedes qui va donc piloter une Mercedes virtuelle, mais qui aura le schéma de fonctionnement du vrai moteur Mercedes. Oui. L'envoyer derrière dans une voiture qui sera Cadillac, qui sera peut-être pas très compétitive, mais avec un moteur Ferrari. Et là, c'est de l'échange de données quasiment direct, instantané entre deux concurrents. Donc, autant dire que c'est extrêmement sensible ce qui se passe. Et c'est, il n'y a pas que Cadillac ou Mercedes. Voilà, il y a aussi Ferrari derrière qui aurait son mot à dire aussi. Donc, c'est clair. Enfin, Ferrari, oui, serait très content de récupérer un bateau de Bottas, mais je pense que oui, c'est surtout Mercedes derrière qui verrouille. C'est ça. C'est logique. Oui, complètement. C'est totalement logique. Après, c'est quasiment de l'espionnage industriel, quoi. Lambeau Diablo demande pour Cher n'existe plus, malheureusement, plus en Formule 1. Il a un contrat de réserviste chez Peugeot en WEC. Il a signé Simon Pagenaud comme mentor, en gros, pour retrouver un backer en IndyCar, parce que je suis persuadé qu'il a une belle carrière à faire là-bas. Mais effectivement, la Formule 1, pour lui, malheureusement, je pense que le train est passé, comme on dit. On va passer à Williams, on va quand même avancer un petit peu aussi. Ouais. Alors là, probablement le pire week-end de Williams de la saison. Avec le retour de Williams des mauvais jours, on va dire. Ouais. Bon, ils s'y attendaient. Ils avaient dit que le week-end serait compliqué. Factuellement, il l'a été. 14e place pour Sainz, abandon pour Albon. La voiture n'allait pas très bien. Ils n'ont pas fait une super qualif déjà. Sainz éliminé en Q1, Albon éliminé en Q2. Et surtout un accrochage chacun au départ, donc un aileron en moins. Albon s'en est fait accrocher un autre par Lawson. Je pense que chez Williams ça a été assez compliqué. Yann doit poser une question sur Victor Martins, on en reparlera vite fait après le chapitre Williams pour parler de ses EL1. Mais effectivement, ouais, là ça a été compliqué chez Williams, Franck. Oui, et sur un circuit qui, pour moi, est comme on parle toujours, un juge de paix aéro, et ça veut dire que de ce côté-là, c'est pas encore top, quoi. Et ça m'inquiète un petit peu, quoi. Après, il s'y attendait, ça c'est clair. La Williams n'a jamais été une bête de course aérodynamique, en tout cas pas sur cette gamme de vitesse-là. Ouais. Et j'avais espéré que ça progresse un peu plus, mais là, ils sont pris pas une grosse claque, parce que ça reste quand même dans les temps des autres, mais ça a un peu reculé. Donc ce qui prouve quand même qu'il y a encore un petit déficit côté aéro, qui était attendu. Hein. qui était attendu, mais voilà, ça reste encore le un peu le pas dire Williams de la vieille époque, parce que ça a quand même progressé depuis, mais voilà, c'est là où ça doit être dans le bah, voilà, l'aéro, c'est quand même un petit peu le domaine domaine d'or, domaine de platine, on va dire, de la Formule 1, et c'est encore celui qui pêche un petit peu. Donc bah voilà, James Vowles a clairement dit qu'il y avait encore du travail à faire de ce côté-là, et il avait tout à fait raison quand on a vu les résultats et les chronos. Maintenant, c'est pas la catastrophe de il y a 2 ans ou 3 ans, donc où c'était vraiment là, pour le coup, c'était la valise, hein. On n'est pas là, mais bon, voilà, c'est un petit juge de paix aéro quand même aussi, donc bah, ça permet de voir que Williams est un petit peu entré encore dans ce domaine. Et je peux dire que c'est inquiétant, parce que 2026 sera carrément autre chose, mais 2026, ça va être très très très très fortement basé sur l'aéro, parce que l'efficience aéro sera cruciale à la fois pour la vitesse de pointe, mais aussi pour la gestion de l'énergie. Donc il faudra générer les meilleurs appuis possibles en pénalisant le moins possible la vitesse de pointe. Et aussi, surtout, la puissance moteur et l'énergie consommée pour déployer cette, enfin, pour arriver à cette vitesse. Donc ouais, attention à ce point de vigilance particulier qu'est l'aéro chez Williams. D'ailleurs, James Vowles a dit, nous, c'est pas 2026 qu'on vise directement, c'est plutôt 2028. Donc c'est pour vous dire qu'il est. Ouais, il est aussi très réaliste par rapport à tout ça. Mais voilà, après, sinon, bah, le week-end de deux pilotes, entre eux, c'était encore une fois très équilibré. Avantage Albon quand Un même petit sur la peu, ouais. performance future. Ouais, voilà, mais bon, Seb, c'était parti sur des réglages qui étaient vraiment pas bons. Il a voulu tester autre chose, c'était pas ça. Donc, je pense qu'il a un peu compromis son week-end en partant sur de mauvaises bases lors de la première journée. Après, on n'a pas plus à dire que ça. Il faut bien qu'il y ait des équipes qui réussissent un peu mieux que d'autres. Et du coup, bah, Williams réussit un peu moins bien. Bah, surtout dans un milieu de terrain comme ça, c'est vrai qu'il faut que. Enfin, le peloton, il faut que. Quand les trois dernières équipes marquent des points, fatalement, ça coûte cher à d'autres. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, hein, c'est des résultats qui étaient. Je veux dire, il y a 3 ans de ça, pour eux, 14e abandon, c'était un dimanche, hein, c'était rien de plus. Ouais, c'est ça. Donc, parce que c'était. La voiture ne marchait pas, il y avait Latifi dans le deuxième, donc forcément, c'était un peu compliqué. Sans être méchant avec lui. Non, mais en fait, je fais un peu une scission dans la carrière de Latifi, mais sa saison 2022 est vraiment catastrophique. Et là où sa saison 2021, pour moi, n'était pas mauvaise du tout. Il a juste pas du tout adapté, il s'est juste pas du tout adapté aux voitures à effet de sol. Mais, et même avec Sargent après, c'était pareil, hein, d'ailleurs. C'est vrai que ça a été compliqué. Donc là, voilà, c'est le mauvais week-end qui se solde de 100 points, mais c'est le premier week-end. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'avant ça, c'est une série de 4 courses avec les deux voitures dans les points. Donc, il n'y a pas péril pour Williams, clairement. Maintenant, c'est vrai que. Ouais, on a envie que ça. D'espérer que ça aille mieux. Alors après, j'ai vu plusieurs questions. La première, c'est est-ce que la directive technique les a impactés? Ça, a priori, non. Non. Très peu. Ouais, ils ont dit que c'était pas du tout le cas. Et du temple nous demande, est-ce que le week-end de Williams explique l'absence d'évolution pour la suite de la saison? Non plus, c'est une décision qui a été prise il y a bien plus longtemps. Là, c'est juste que voilà, ça fait. En fait, ils ont dit que ils ne réagiraient pas à des week-ends comme ça, même si ça va pas. Les week-ends mauvais, ils vont pas faire du développement pour combler les failles. Ils acceptent qu'il y ait des failles et ils passeront à autre chose, quoi. Donc, mais voilà, bon, je suis pas très inquiet pour 2026 quand même. Je pense que l'équipe est toujours en mutation et honnêtement, ça me paraît pas mauvais. Du tout. Bah, ils ont déjà le bon moteur, enfin, a priori sur le papier, le bon moteur. C'est toujours pareil, hein. Oui. Attention, surprise, mais il part déjà avec cet avantage-là que C'est le moteur ça. Mercedes est censé être celui qui devrait être le plus performant en 2026. Mais ça, c'est pour l'instant que sur le papier, les ouï-dire, les ragots du paddock, les rumeurs, les quelques données qui sont bien transmises à la FIA, parce qu'il faut quand même savoir un peu où tout le monde en est, ça ne se base sur rien d'autre que ça. Voilà. Mais bon, ils ont au moins cet atout-là. Maintenant, l'aéro, le mode X, le mode Y, je sais plus comment ça s'appelle là. C'est voilà, aileron braqué, aileron pas braqué. Ça sera quelque chose qu'il faudra effectivement quand même bien maîtriser. Donc, et ça, c'est de l'aéro. Donc, il C'est faudra quand ça. même assurer cette partie-là. Le mode X-Wing, ouais, comme dit Baymax. Et oui, ils auront le bon moteur et les deux bons pilotes, effectivement, malgré tout, ce sera quelque chose de. C'est toujours des meilleures bases que ce qu'ils avaient au précédent changement de réglementation, ça c'est certain. On va finir ce débrief du Grand Prix d'Espagne avec As, qui finit aux deux dernières places non abandon, hein, 16e et 17e pour Ocon et Berman. Voilà, je crois qu'on va pouvoir ne pas perdre trop de temps dessus, parce que le week-end a juste été pas terrible, hein, globalement. C'était après les bons points de Monaco, là on retrouve un week-end difficile, pas trop de compréhension de la voiture, pas trop de confiance, manque de performance, ça a été Ouais. globalement décevant. et je m'attendais à voir les oscillations aérodynamiques revenir, en tout cas en termes d'excuses. Mais même pas, a priori, ça n'a pas été forcément un facteur. Ça, ils l'ont bien corrigé avec les évolutions, a priori. Ouais, finalement, je pense que pour eux, du coup, c'est presque rassurant. Parce que ça veut dire que voilà, sur un circuit d'aéro pur, ce problème-là, il semble avoir été vraiment mis de côté. Donc tant mieux, ça pourra peut-être bosser un petit peu sur. Alors après, bosser légèrement, parce qu'on vous rappelle tous que 2026 pointe, encore une fois, le nez, pointe son nez. Donc et pour une équipe comme As, qui est tout juste au budget cap, ouais. on va certainement pas consacrer 5 millions ou 10 millions à corriger les défauts de la As de cette année. Ça va uniquement se jouer sur de l'opérationnel chez eux, sur trouver les bons réglages, quelques grands prix un peu chanceux. Mmh. Et voilà, donc... On accepte son sort, un peu comme chez Williams, un peu comme... Ouais, c'est ça. On serre les dents et on avance pour continuer à progresser. Sinon, c'est des équipes qui sont en métamorphose, en reconstruction, comme vous voulez. Donc, fatalement, il y a un peu des choses à revoir. On vous avait demandé quand même de parler de Victor Martins, ça l'a peut-être un peu zappé. Ah oui, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, c'était juste pour dire qu'il avait fait des séances d'essai et que c'était bien. Et qu'il y avait une question sur est-ce qu'on pensait qu'il aurait sa chance un jour en Formule 1. Bah, il aura plus sa chance en étant chez Williams que chez Alpine, ça c'est sûr. Bah disons que chez Alpine, il avait une chance sur 12, 14, 16. Là, au moins, s'il y a un pilote à remplacer, ce sera lui qui le fera, hein, clairement. C'est ça. Je pense pas, à moins que ce soit Luke Browning, mais je pense qu'il est quand même plus, il est quand même plus expérimenté que Browning, qui n'a peut-être même pas sa super licence d'ailleurs encore. Après, moi, je place un Victor Martins, parce que pas au niveau d'un Théo Pourchaire, parce que Théo Pourchaire, je le voyais vraiment arriver en F1 quand même. Mais bon, c'est vrai que Sauber l'a un petit peu lâché. Mais bon, Victor Martins, c'est quand même pas le premier choix de Williams. C'était quand même quelqu'un à la base de chez Alpine. Et Alpine l'a quand même jeté un peu comme un malpropre. Donc, c'est compliqué. S'il arrive en F1, ça sera quand même des circonstances un peu particulières, je pense. Ce sera pas le premier choix d'une équipe ou autre. Oui. Ça sera un remplacement. Ça sera quelque chose de. Voilà, peut-être que s'il doit remplacer quelqu'un chez Williams, c'est que par une appendicite soudaine. Mais non, justement, comme le dit X-Van, c'est les deux n'ont plus d'appendicite. Les deux ont déjà fait leur appendicite en week-end. Donc, Bon, bah, je sais pas, ils vont trouver quelque chose d'autre à perdre qui leur coûte pas de temps. Martin se fait un bon week-end et puis recruté par Red Bull, par Marco, qui l'aura vu d'un bon pied, bon oeil. comme une possibilité. Je vais pas m'offusquer pour cette blague parce que je la fais régulièrement. Donc, j'ai absolument rien à dire. Je vais la valider évidemment. Non, sagesse, ben voilà. Ah c'est oui, non, sagesse, par exemple, effectivement, ouais. ça peut être aussi une raison. Voilà, et donc pour conclure, parce qu'on a fini avec As, le contexte d'Annie nous a dit que c'était une paire d'As perdante ce week-end. Voilà. Donc, contexte d'Annie était très en forme. Ah ouais, non, mais il y a eu un beau. Il y a le chat à relire là pour. On fera une émission spéciale pour tes blagues. Hommage à contexte d'Annie et ses blagues. La compile. Ouais, c'est ça. C'est compile. Exactement. Voilà, en tout cas. je pense que les dents sagesse, c'est pas la lèvre anesthésiée, Xoan, c'est plutôt le fait que c'est quand même très douloureux, globalement, quand tu fais. Enlever des dents de sagesse. Ouais, ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Hein. Ça dépend des personnes. Ouais, mais je pense que quand tu roules à 300 sur un circuit, tu vas sentir quand même dans la bouche, à mon avis. Une rage de dents, ça peut être sympa. Hein. Mm. Non plus. Ça va bien déconcentrer. Même s'ils ont d'autres types de douleurs qui permettent que le cerveau switch sur autre chose, ça va pas être évident quand même. Non, c'est clair. C'est clair. En tout cas, voilà pour ce débrief de la 9e course de la saison, le Grand Prix d'Espagne, que vous avez donc pu vivre avec nous. On a fait un autre débrief un peu long, hein, on a fait 2h30, mais bon, il y avait beaucoup de sujets entre le craquage nerveux de notre ami Max, Lance Stroll, et puis d'autres sujets intéressants malgré tout dans les autres équipes. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à traiter. Et puis, on va faire une pause d'une semaine. On ne se verra pas le lundi prochain, puisqu'il n'y a pas de Grand Prix ce week-end. On se retrouvera dans l'émission dans 2 semaines pour le Grand Prix du Canada. Débrief du Grand Prix du Canada. D'ici là, évidemment, vous aurez toujours toutes les. On ne revient pas sur les pronos, monsieur ? Oh ! Quelle erreur ! Oh ! Quelle erreur ! Je suis en train de dire au revoir. Alors, attendez, je ne sais pas. Je ressors les pronos. Ah oui, je sais pourquoi tu veux en venir. Parce que... Ah bah oui, je veux revenir dessus. Tu étais tellement. Proche du perfect. Alors déjà, bravo à toi pour le perfect en qualif. Oui, parce qu'on ne pronostique pas les qualifs avec vous, mais juste avant les qualifs, entre nous, on se dit, bon, voilà, donc j'avais le tiercé en qualif, qui est d'ailleurs le même tiercé que j'avais pronostiqué pour la course. Exactement. Donc tu avais pronostiqué pour l'Espagne, Alex avait pronostiqué Norris, Piastri, Leclerc. Donc mine de rien, il était pas mal aussi, parce que deux McLaren inversés, mais sinon il a le bon troisième. Moi, j'avais pronostiqué Norris, Piastri, Russell. Donc, moi, j'ai personne, j'en ai que deux de bons et j'ai personne à bonne place. Et toi, tu avais bien vu pour l'ordre pilotes McLaren. Des pilotes McLaren. Et tu avais... Attends, mais du coup, je suis... Piastri, Norris, Verstappen, Jamie. Ah oui, et c'est dommage parce que tu avais changé alors que ton premier prono, c'était Piastri... Ah non, c'était Piastri, Verstappen, Leclerc, j'ai rien dit. Oui, le premier, non, c'est bon. Donc là, tu avais mis Piastri, Norris, Verstappen, et effectivement, jusqu'au 55e tour, tu avais tout bon. J'avais bon pour la qualif, parce que justement, la qualif, j'avais dit ça. Ouais, donc j'ai eu ça. Tu avais tout bon pour le Grand Prix. Et après, voilà, le pétage de plomb m'a fait perdre mon prono. Donc. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu étais en colère contre lui, et c'est pas du tout pour l'image de la Formule 1, c'est juste pour ton prono. C'est exactement. Ah oui, non, mais en plus, pendant le live, j'ai dit putain, il fait foirer mon tir, c'est. Ah ouais, je peux attester le chat que Franck était très énervé contre Verstappen pour cette raison précise. Et du coup, on va repartir sur les pronos pour le Canada, donc évidemment. Alex a parié. Qu'est-ce qu'il a parié, Alex? Norris, Piastri, Leclerc. Il remet le même qu'il avait mis pour l'Espagne. Moi, j'ai mis Piastri, Russell, Norris. Je vois Russell faire un très bon Grand Prix. Et toi, tu as mis Norris, Hamilton, Leclerc. Ah ouais, j'ai envie d'une petite dinguerie au Canada. J'ai envie d'un peu de pluie, j'ai envie d'un peu de... Voilà, c'est un circuit un peu particulier. Ouah, c'est un peu le cœur aussi qui parle, mais bon. Ouais. Bah, si le cœur veut en parler, j'aurais mis un doublé Ferrari, mais peut-être pas trop rêver non plus, mais un Hamilton sur le podium, juste histoire de le motiver un petit peu. Il a toujours été excellent au Canada, en plus. En plus, voilà, c'est ça. Il adore le Canada. Il est très, très fort sur ce genre de circuit. Accélération, freinage, il est très, très fort. Mm. Comme il comprend mieux la Ferrari, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Faut oublier qu'il y a 2 ans de ça, Hülkenberg avait fait le deuxième temps des qualifs avec la Haas et avait terminé 5e en course. Donc ouais, peut-être une dinguerie de Nico. Avec il y a toujours des dingueries au Canada. Donc. Ouais. Globalement, c'est un peu l'idée. Ce sera un week-end évidemment d'horaire de soir, hein, Grand Prix à 19h, et des essais l'après-midi. C'est pas le Grand Prix du North America maintenant. Non, pas encore, pas encore. Et question, quel rookie ira embrasser le mur des champions? Ça, c'est vrai que ça peut être aussi des champions qui y vont. Ils y vont moins comme ces derniers temps. Hein. Ouais. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu. Mais je crois que c'est parce que les voitures encaissent mieux les vibreurs et du coup, ils arrivent mieux à les éviter. Il y a du Colapinto Pinto dans le chat quand même. Vous n'êtes pas gentil. Ce serait pas très bon pour la suite hein, si Colapinto allait la mettre là-bas. Ouais. Peut-être que Briatore arrêterait de démentir qu'il n'a pas parlé de 5 courses. Je vois bien Briatore dire, mais pourquoi tu veux te mettre dans ce mur-là? Tu n'es pas champion. Je t'ai dit, on attend Singapour. Mais il est franco. Il est franco, évidemment. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, évidemment, alors pas bon pour la suite, on s'entend qu'on espère voir Colapinto rester. Bah oui, on lui souhaite pas de mal. Nous, on souhaite pas de mal au pilote. Hein. Encore une fois, Colapinto, c'est quand même un pilote qui a fait un bon remplacement chez Williams, qui est pas mauvais non plus. Là, il est en retrait, mais. Faut pas oublier qu'en Espagne, il a même pas eu la chance de faire un deuxième tour en Q1, donc on peut pas vraiment dire que c'était de sa faute s'il termine 15e. Voilà, moi j'ai pas envie que les pilotes se fassent essorer comme des serpillères, alors que c'est des pilotes qui vivent pour leur vie pour ça et qui en plus arrivent enfin au Graal. Et c'est un peu dommage que juste par l'ego et le côté maniaque d'un directeur, ils se retrouvent dégagés en quelques courses. Je trouve ça un peu ridicule. Voilà en tout cas pour ce Grand Prix d'Espagne. Donc comme d'habitude, l'information continue sur Next Gen Auto. Tous les jours, vous aurez déjà dès demain, vous aurez encore des belles infos sur le Grand Prix d'Espagne. Au fur et à mesure, vous aurez voilà comme d'habitude hein, la bascule qui se fait. On aura la preview du Canada lundi prochain. Vous aurez la semaine avec la météo évidemment, des horaires de soirée pour le Canada et puis on se retrouvera nous le lundi dans 2 semaines, donc le 16 pour un Grand Prix de débrief Canada. D'ici là, portez-vous bien, reposez-vous bien. Il y a du MotoGP le week-end prochain si vous voulez, puisqu'il n'y aura pas de Formule 1. Et puis sinon, faites autre chose que les sports mécaniques aussi, vu que les calendriers sont un peu complexes. Merci Franck pour l'émission. Et puis, merci à toi, merci à tout le chat. Vous étiez très actifs ce soir, c'est ça qui est cool. Merci à toutes et tous. Merci à ceux et celles qui ne parlent pas aussi, mais qui sont nombreux à nous regarder. On était toujours plus de 300 ce soir, donc ça fait plaisir. Et puis, il y a Le Mans effectivement dans 2 semaines, hein, ça ce sera aussi à suivre. En tout cas, portez-vous bien et à dans 2 semaines. Ciao! Ciao!